D'accord. C'est beaucoup 6 mois? Non. Déjà, non, pas tellement. Et alors, quand je lui ai posé la question subsidiaire, c'est « Et qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 6 mois, vous en avez trouvé un ?» Elle m'a répondu « Ah ben, c'est qu'à ce moment-là, je savais vraiment ce que j'avais envie de faire. » Et retenez bien ça, parce que c'est vraiment la clé. Il faut d'abord savoir ce qu'on a envie de faire. Laissez-moi traduire ça en langage marketing. Il faut d'abord savoir qui on veut être, savoir quelle cible on veut viser parce qu'on se dit que c'est là qu'on a envie de travailler, et puis savoir se présenter en tant que produit de la manière dont on espère être perçu par la cible à laquelle on veut se vendre. En définitive, c'est une démarche marketing aussi. Et je vous suggère de commencer déjà à y réfléchir maintenant, pendant qu'on est en train de progresser dans ce cours, en vous disant à chacune des étapes comment je peux appliquer cette démarche-là à moi-même. Ok ? En tant que produit qui va devoir affronter un marché, qui est le marché de l'emploi, en l'occurrence, vous aurez beaucoup plus d'efficacité, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver rapidement un emploi si vous vous mettez à faire cette démarche. Donc, systématiquement, à chaque cours, au sortir, tâchez d'appliquer à vous-même ce qu'on a appris au cours. Ok ? Bien, nous en étions à nous dire, si on veut attaquer un marché et pénétrer sur ce marché, et avoir une certaine efficacité, pouvoir remplir ses objectifs marketing. En l'occurrence, s'il s'agit de vous-même, trouver un job dans les X temps. Hein. Je vous ai déjà parlé d'objectif SMART. Oui, ok. Trouver un job dans les X temps, moins de 6 mois, par exemple, eh bien, il faut connaître son marché. Alors, c'est quoi un marché? C'est quoi un marché? Tâchons de définir ça. Allô, allô. Un ensemble d'acheteurs. Alors, je vais le matiser. Un ensemble d'acheteurs. Oui. Et ceux qui n'ont pas encore acheté. Ah, d'accord. Donc des prospects, on appelle ça. Hein? Des prospects, d'accord. Des prospects. De 1 à N aussi. Et il n'y a que ça? Dans un marché? Pardon? Un secteur. Oui, mais pas nécessairement. Si vous vendez des photocopieurs, vous vendez à tous les secteurs. Hein. Ouais, mais peut-être que vous vendez des ordinateurs aussi, peut-être que vous vendez d'autres appareils technologiques aussi. Un point de rencontre entre des acteurs économiques. Oui, ça effectivement. Un point. Il y a une offre et une demande. Offre et demande. Dans un point, c'est quand même peut-être un peu limitatif, hein, parce que pour beaucoup de marchés, the sky is the limit, le marché est global, comme on dit. Hein. Donc, point, un lieu, un espace, d'accord, ouais, un espace de rencontre, ouais. Pardon ? C'est tout ce qu'il y a comme acteur dedans ? Les offreurs, les demandeurs, les prospects, les acheteurs. L'État. Ah, l'État, qu'est-ce qu'il fait dedans, là? Il régule tout. Il régule, oui, oui. En économie politique, l'État se symbolise par G. Hein. L'État, effectivement, a beaucoup d'influence sur beaucoup de choses. Par exemple, si l'État décide que toutes les voitures doivent désormais posséder un extincteur en ordre de marche, tout à coup, il y a un marché qui s'ouvre pour les extincteurs. Ça a été fait dans les années 80. Tout à coup, si un État décide que le Festival international du film de Namur sera moins subsidié, tout à coup, ce festival est en perte. Et s'il est en perte plus de 3 ans, il risque de disparaître. Ça vient d'être annoncé comme étant le cas ce matin. Donc voilà une influence gouvernementale. Il y a une influence fondamentale sur la viabilité de certains projets, qu'ils soient culturels ou commerciaux. D'autres acteurs ? Oui. Des concurrents, bien sûr. Des concurrents. Alors, je vous ai déjà dit que je n'aimais pas tellement le mot concurrent. Je vous ai déjà dit ça, non ? Non, pas encore ? Si, je crois bien. Je préfère le mot alternative. Si vous êtes l'Opéra de la Monnaie, à Bruxelles, en Belgique, vous n'avez pas de concurrent, si vous en avez un, l'Opéra de Liège. Mais il n'y a personne d'autre qui fait la même chose que vous. Sinon. Par contre, il y a des alternatives. Je peux décider d'aller à l'opéra ce samedi, ou au cinéma, ou au théâtre, ou de regarder la télé parce qu'il y a un opéra qui se présente sur la BBC comme tous les mois. Absolument, on peut regarder la flûte enchantée d'Ingmar Bergman au cinéma, ou on peut regarder un opéra de Pologne qui vient jouer Nabucco à Forêt Nationale aussi. Donc, les alternatives sont nombreuses. La différence entre un concurrent et une alternative, un concurrent, c'est quelque chose qui fait la même chose que vous, quelqu'un qui fait la même chose que vous, tandis qu'une alternative, c'est quelqu'un qui répond aux mêmes besoins que ceux auxquels vous vous répondez, mais de manière différente. Ça peut être beaucoup plus crucial d'identifier une alternative qui risque de nous menacer qu'un concurrent. Alors d'accord, il y a des alternatives. Donc. Il y a quoi d'autre ? Oui. Un intermédiaire, vous l'aidez. Un intermédiaire. Et il y a plus que ça, il y a ce qu'on appelle des prescripteurs. Des prescripteurs, c'est quoi ? C'est des personnes qui vont dire du bien, ou dire du mal d'ailleurs, de ce que vous faites, et qui vont donc influencer aussi le marché. Par exemple, un critique cinématographique comme Luc Daillé peut descendre complètement un film qui se présente sur le marché et faire que personne ne va le voir. Il peut faire l'inverse aussi. Qui concerne Luc Daillé, c'est assez rare. Mais les prescripteurs, ce sont des personnes terriblement importantes en marketing. Il y en a dans tous les métiers. Par exemple, si vous êtes un fabricant, je vais vous donner l'exemple d'une entreprise que je connais, c'est une entreprise liégeoise qui est spécialisée dans les canalisations d'évacuation des eaux. D'accord ? Des rigoles, des bouches d'égout et des choses comme ça. Voilà qui est bien poétique. Eh bien, qui sont les prescripteurs dans leur métier ? Ben, ce sont les architectes. Quand un architecte dit dans son cahier des charges « On installera des rigoles d'évacuation des eaux de type Orato phaser fixe », ben, quasiment à chaque coup, on va acheter du Orato phaser fixe, qui est le nom de la marque en l'occurrence. Parce que c'est simplement dans le cahier des charges. Donc en fait, la personne la plus importante pour vendre ce genre de choses, ce sont les architectes. Et ça, c'est quand même beaucoup plus facile, parce qu'au lieu d'avoir 11 millions d'habitants à viser, je peux viser 35 000 architectes. Voilà une cible déjà beaucoup plus restreinte, et que je peux peut-être plus facilement convaincre. Okay ? Donc les prescripteurs en marketing, très très très important. Alors le prescripteur le plus évident, c'est qui ? Même pas. Oui, ça pourrait, oui. Le consommateur, aujourd'hui, absolument, parce que si vous avez aimé, vous mettez « j'aime » sur Facebook et vous devenez prescripteur pour tous les gens qui vous lisent sur Facebook. Donc aujourd'hui, le consommateur, c'est effectivement le prescripteur le plus fort, le plus proche du client suivant. Mais il y en a encore un autre, le mot prescripteur, vous le dites d'ailleurs. Les médecins, l'entreprise pharmaceutique, ne pouvant pas, parce que c'est une règle qu'a édictée la puissance de régulation qui est l'État, ne pouvant pas faire de pub pour les médicaments, s'attaque aux médecins en leur disant « s'il vous plaît, prescrivez ma molécule pour tel type de pathologie ». Et donc, on a un intermédiaire obligatoire dans le médicament qui est le médecin. Il y en a un deuxième, mais qui n'a pas le pouvoir de prescription, c'est le pharmacien. Il a juste le pouvoir de vous dire « hola, hola, avec ce que vous prenez déjà, ça ne va pas aller », mais il ne peut pas prescrire. Donc le seul prescripteur possible pour du médicament, c'est le médecin. Ok, donc les prescripteurs. Il y a d'autres acteurs sur un marché ? Pardon ? Ce qu'on appelle les distributeurs. Hein. Les distributeurs, ça veut dire ceux qui sont en contact avec les acheteurs et les prospects et qui simplement se chargent de être le tuyau de passage entre le producteur et le consommateur. Et il y a des distributeurs pour tout, il y a des concessionnaires automobiles par exemple, voilà, distributeur. Lui, son intérêt, c'est à vendre un maximum de voitures et de prestations autour, du genre carrosserie, du genre entretien. Et il est en contact avec le producteur, voire même avec un bon niveau, avec l'importateur. En Belgique, par exemple, hein, le concessionnaire de Volkswagen est en contact avec l'importateur d'Itrem, qui lui-même est en contact avec le producteur de Volkswagen. Okay. Et donc là, on a deux niveaux d'intermédiation. Et comment on définit la limite ici du marché? Oui? Pardon? Un macro-environnement, oui, on pourrait dire ça. Ça veut dire que parfois il y a des limites géographiques. Hein. Pour beaucoup de produits, par exemple, la limite géographique va être un rayon d'action de une journée de camion. Parce que au-delà d'une journée de camion, transporter des biscuits, c'est plus rentable. Ça coûte trop cher si on a toute une journée de camion. Donc le rayon d'action potentiel pour un fabricant de biscuits par rapport à son usine, c'est une journée de camion. Pareil dans les matières plastiques, par exemple, c'est une journée de camion parce que la valeur du produit transporté est tellement faible et la valeur ajoutée qu'on peut en espérer en vendant va être tellement faible que le coût de la livraison par camion au-delà d'une journée va être énorme. Ça vous dit rien, ça? Limite, un jour de camion, coût de la logistique? À quoi ça vous fait penser? À qui ça vous fait penser? Amazon, exactement. Amazon, je vous ai déjà dit qu'Amazon n'était pas rentable. Ben voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Le business model qui consiste à mettre en vente sur Internet des livres que je dois avoir en stock à moins d'une journée de camion de là où je dois le délivrer, m'oblige à investir dans des entrepôts, dans du stock et à payer de la logistique d'une journée de camion pour aller vous livrer à vous, un livre que vous avez payé 15 euros. Ça ne peut pas être rentable parce que rien que vous le livrez va coûter au minimum 15 euros. Donc en fait, Amazon doit trouver des sources de revenus autre part. Ce qu'ils font, évidemment, puisque vous êtes tous allés sur Amazon déjà, eh bien, on a déjà vendu probablement des centaines de fois vos données à des tas de gens qui sont intéressés à savoir que vous avez acheté tel bouquin. Ça, c'est très rentable. Vendre vos données, ça, c'est très rentable. Donc, les distributeurs, absolument, et alors la limite est souvent déterminée par un rayon d'action, de rentabilité. Maintenant, il y a des produits et services, surtout, où la limite est infinie. Hein. En matière de services, on le voit très très bien, services informatiques, vous voulez des programmeurs, vous voulez programmer un nouveau programme SAP pour gérer, je sais pas, la paye et les achats dans votre entreprise, eh bien, il est très probable que les gens qui vont travailler sur cette application-là sont localisés pour le moment en Inde, à Malte ou peut-être aux Philippines. Quand vous entendez dans votre téléphone quelqu'un qui vous appelle pour vous demander si vous êtes connecté Proximus ou Movistar, d'où appelle-t-il, vous pensez? Souvent du Maroc, oui, de Tunisie également. On peut très très bien délocaliser très loin ce genre de choses. Hein. Les crevettes que vous mangez sont décortiquées, sont pêchées en principe en mer du Nord, en principe, hein. Et en pratique sont décortiquées au Maroc. Elles sont envoyées au Maroc par avion, et deux jours plus tard elles reviennent décortiquées pour être dans votre tomate crevette. Donc, le marché du décortiquage de crevettes, il est plus large qu'une journée de camion. Ce qui veut dire qu'il y a encore de la valeur ajoutée à faire en confiant des tâches répétitives et d'assez bas niveau à des main-d'œuvre qui ont ce savoir-faire et qui ne coûtent pas cher. Vos smartphones sont, comme vous le savez, fabriqués en Extrême-Orient. Donc souvent, le marché va être aujourd'hui extrêmement large, probablement global, en particulier si c'est un marché d'e-commerce. Et pour le culturel, le marché, il est large. Non ? Ben, il peut l'être, hein, le Festival d'Avignon. Il attire des gens de Belgique, du Canada, de Suisse. Je suis en train de nommer les pays francophones. Mais les pays francophones, effectivement, ils sont répartis un peu partout dans le monde. Là aussi, le marché peut être très large. Il y a même des spectacles qui ne demandent pas d'avoir une connexion linguistique avec le spectacle. Des spectacles de cirque, par exemple, ou de mime, bien sûr, n'ont pas besoin de la connexion linguistique culturelle. Et puis, on peut faire venir le théâtre chinois aussi. C'est aussi une découverte culturelle. Donc, en définitive, là aussi, le marché peut être extrêmement large. La plupart du temps, il est quand même un bien plus limité parce qu'on peut décider s'acheter quelque chose sur Internet venant de très très loin. On ne va peut-être pas se déplacer soi-même pour aller assister à un spectacle à des milliers de kilomètres, sauf si vraiment, vraiment, ça en vaut la peine. Voilà, j'ai un ami qui est allé voir un concert au milieu du désert de Californie il y a une quinzaine de jours, et ça valait la peine. Paul McCartney, Bob Dylan, les Rolling Stones et Roger Waters réunis 40 ans après dans un même concert au milieu du désert de Californie, il y a des gens qui font le trajet pour aller voir. À 500$ la place, plus le trajet, plus l'hôtel, plus le trajet là-bas. Ouais, ça fait cher, mais voilà, il y a des aficionados pour tous les métiers. Bon, alors, bien connaître son marché. Voilà, on a défini ce que c'était qu'un marché. Et puis parfois, dans un marché, il y a aussi ce qu'on appelle des nouveaux entrants. Ils n'y sont pas encore. Ils n'y sont pas encore, mais ils sont en train de pénétrer le marché. Alors ça, typiquement, on a rajouté cette branche-là parce que dans les années 80-90, avec l'arrivée du web, on a vu que certains métiers étaient impactés terriblement par l'arrivée du web. Je vous donne un exemple que je connais bien, parce que j'y ai passé toute la semaine, et c'est pour ça que je ne vous ai pas donné cours la semaine dernière, c'est les agents de voyage. Les agents de voyage qui avaient un magasin sur le trottoir avec des brochures donc, qui étaient censés connaître toutes les destinations du monde et auxquelles vous vous adressiez en disant « Tiens, j'aimerais bien partir en vacances avec deux amis, qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme site, comme lieu, comme prestataire de service ?» Et eux savaient et pouvaient vous fournir le produit. Aujourd'hui, est-ce qu'on va encore dans une agence de voyage ? On commence par regarder Internet, et puis on finit par acheter tous ces billets sur Internet, et à faire tout sur Internet. Donc voilà un nouvel entrant, Booking.com, TripAdvisor et Trivago, qui font que le métier d'agent de voyage est devenu sacrément difficile. Ça, c'est l'idée du nouvel entrant. Et il peut très bien venir d'ailleurs que l'Internet. Hein. Par exemple, les taxis, pour le moment, font face à un nouvel entrant qui est vous. Vous qui proposez de prendre votre voiture pour aller de tel point à tel point sur Uber. Ou les hôtels font face à des nouveaux entrants qui sont vous de nouveau, qui proposez de sous-louer votre cote sur Airbnb. Pour les gens qui veulent venir y passer un moment. Donc aujourd'hui, il y a des nouveaux entrants quasiment sur tous les marchés. Donc bien connaître son marché, ça veut dire bien connaître tout ça et toutes les interactions qu'il y a dedans. Alors pour ça, on a imaginé un mode d'analyse qu'on appelle l'analyse PESTEL. Ou slept, hein, qui consiste à se dire, mais tâchons de faire un peu l'inventaire de tout ce qui est positif et négatif sur ce marché. Et précisément, l'analyse PESTEL est destinée à faire état de tout ce qui peut influencer positivement ou négativement votre position sur le marché. Alors, pour être sûr de ne rien oublier, on a décidé de le partitionner en un certain nombre de cases d'analyse. Ah oui, ça ne figure pas dans les slides que j'avais mis sur l'université virtuelle. Je viens de le rajouter parce que je trouvais que c'était intéressant. Je fais ça encore. Hein. Donc, de temps en temps, je rajoute des slides parce que voilà, je trouve ça intéressant. Alors, de nouveau, il n'y a rien de magique et il n'y a rien de très mathématique dans le processus ici. C'est juste une manière organisée de penser. Ça permet de faire l'inventaire de tous les facteurs d'influence possibles en ayant moins de chances d'en oublier d'importants. Pourquoi ? Ben parce qu'on va d'abord se concentrer, par exemple, sur toute l'influence en bleu clair technologique qui peut se faire sur notre marché. Influence technologique, ça veut dire, est-ce que l'apparition de nouveaux moyens de communication, de nouveaux moyens de calculer, de nouveaux moyens techniques de recherche, par exemple, en médecine, on constate qu'on est un peu arrivé au bout de ce que la chimie pouvait faire en médicaments. Aujourd'hui, ce qu'on travaille le plus, c'est la biologie. c'est-à-dire introduire dans le corps humain des bactéries qui vont aller attaquer les facteurs de pathologie, plutôt que des produits chimiques qui bloquaient certaines réactions. Et donc on est beaucoup plus dans la technologie, biotechnologie aujourd'hui, dans les médicaments, que dans la chimie. Donc voilà, quelle est l'influence que ça peut avoir? Est-ce que c'est positif ou négatif pour un pharmacien? Ben, le pharmacien, qu'est-ce qu'il connaît bien? La chimie. La chimie, oui. La bio, il en connaît un petit peu, mais c'est pas vraiment sa tasse de thé. Et donc, il est un peu désarmé par rapport à tout ce qui est probiotique, par exemple, ce qui est fort utilisé par beaucoup de gens. Quelles sont les limites de ce truc-là? Ben, on ne sait pas encore très très bien. Donc voilà un facteur d'influence. Technologie. Alors, prenons la partie rouge. Les facteurs d'influence politique. Est-ce que le fait que, par exemple, notre pays soit dirigé aujourd'hui par une faction politique bleu-jaune, est-ce que c'est un facteur positif pour mon métier ou potentiellement menaçant? Ben, évidemment, il y a des influences politiques qui vont dans le sens de mes intérêts parfois, et puis parfois pas. Mais en Wallonie, c'est pas la même chose. Et au nord du pays, c'est pas la même chose. Et en Europe, c'est encore différent. Et donc, il faut voir en fait le marché dans son ensemble. Parce que rappelez-vous que l'essentiel des lois qui sont promulguées aujourd'hui dans chacun des pays d'Europe sont initiées la plupart du temps par des directives européennes. Donc il faut se préoccuper de savoir ce qui se passe en Europe pour avoir une idée des influences positives ou négatives qu'ils peuvent avoir sur un marché. De nouveau, c'est évidemment dans une perspective dynamique. C'est en pensant futur. Alors, troisième type d'influence, c'est les influences vertes, là. Les influences économiques. Pour le moment, la croissance économique, pas top. Quelques fifrelins de pourcents, alors que dans d'autres pays, comme la Chine, on est encore à presque double digit. Donc, un chiffre au-delà de la dizaine. Le Vietnam, par exemple, que je fréquente beaucoup, est en train de trouver que la situation économique est désastreuse. Ils ne font plus que 6% de progression du PNB, au lieu de 14%. Évidemment, c'est dramatique, mais c'est quand même 6 fois plus que chez nous. Hein. Vous comprenez quand je dis progression du PNB? Vous avez fait de l'économie politique, non? Oui. Non? Ah, je vois des dénégations. Ne laissez pas passer des mots comme ça sans me demander. Hein. On n'a pas l'air ridicule quand on est en année de master. Si on pose la question, monsieur, c'est quoi la progression du PNB, hein? Alors, quelqu'un peut expliquer? Vous n'osez pas. Le PNB, le produit national brut, parfois appelé PIB, produit intérieur brut, est la quantification de la richesse produite par un État sur base annuelle. Quelqu'un a une idée du PIB de la Belgique? Je ne me souviens plus du chiffre exact, donc je ne préfère pas dire de bêtises. Ouais, ça doit être quelque chose dans les environs 500 milliards d'euros. Hein. Donc, c'est le total de la richesse produite par un pays. Exactement comme une entreprise, chaque année, fait du profit plus de l'amortissement, ce qui engendre de l'augmentation de richesse. On appelle ça du cash flow pour une entreprise. Bien pour un pays, c'est le produit intérieur brut, le PNB. Et on espère toujours que le PNB soit en croissance, parce que ça veut dire que le produit progresse en richesse. Okay. Quand le PNB se met à descendre, c'est un très très très mauvais signe, ça s'appelle de la déflation. Ça veut dire que le pays devient plus pauvre. Et donc ça, c'est dramatique pour un État. L'idéal, c'est qu'il progresse de quelques pourcents, 2-3% peut-être. Au niveau mondial, la croissance des PNB de l'ensemble des économies mondiales est de l'ordre en moyenne d'à peu près 3%. Okay. Certains pays comme la Chine font 8-10, le Vietnam 6, la Belgique 1, quelque chose, les États-Unis 2, quelque chose. Okay. Alors, pas trop non plus. Si le PIB croît de 14%, ça veut dire qu'il y a de l'inflation. Les prix augmentent et les gens ne savent plus payer. L'argent vaut de moins en moins. Donc tout ça, c'est des mécanismes qu'on appelle de l'économie politique. Vu ? Alors, une croissance du PIB, ça veut dire que les affaires marchent bien, le pays fonctionne bien et il crée de la richesse. Alors, si le pays crée de la richesse, ben, ça crée de l'emploi. Ça crée du développement du business. La construction va se mettre à fonctionner. Et pour construire, on va engager des ouvriers. Et les usines vont tourner à plein rendement. Et pour que les usines tournent à plein rendement, il faut engager des employés et des ouvriers. Il faut acheter des machines. Donc on fait de l'investissement. Et quand on investit, il y a d'autres entreprises qui profitent de cet investissement et qui vont donc mettre au travail beaucoup plus de gens. Donc un PIB en progrès veut dire du boulot pour tous et de la richesse pour tous qu'on peut répartir éventuellement par après. Et donc, quand vous êtes dans une situation économique intéressante, c'est très bien, ça peut influencer favorablement votre contexte. Par contre, prenons une commune, ben, par exemple, une que je connais bien, Framery, Oudou, ou Carignon, dans le Borinage. On est encore sous le choc de la fermeture des mines dans les années 50-60 et on est à peu près à 33% de chômeurs dans la population active de ces villes-là. Voilà une influence économique qui n'est pas particulièrement positive pour, par exemple, le commerce dans la grande rue de Framery. Ah, sauf que maintenant, on vient, il y a une dizaine d'années déjà, d'y installer le pass qui peut-être va ramener de la clientèle, sauf qu'elle en amène beaucoup moins que ce qu'on espérait. Donc voilà un facteur économique intéressant. On a 33% de chômeurs, mais on a un facteur de trafic qui peut faire progresser la fréquentation de la ville. Oui. Ça a amené pas mal de touristes, par contre, ça a coûté plus cher que ça n'a ramené en argent. Et donc, parfois, c'est un bien, parfois, c'est un peu ennuyeux. Je prends l'exemple des Jeux Olympiques, c'est très connu que les Jeux Olympiques, les organiser, ça coûte une fortune. Évidemment, ça met votre pays ou votre ville en avant. À l'image du monde entier, il y a des milliards de gens qui vous voient et qui vous regardent et qui entendent parler de vous et qui ont peut-être dès lors envie d'y aller pendant les Jeux Olympiques ou après. En attendant, ça a pompé une grande part des ressources du Brésil. Et je parle du Brésil, mais il y en a d'autres précédemment qui, en Grèce aussi, ils payent encore les additions des Jeux Olympiques qu'ils ont organisés en 2004. Voilà. Donc, ce sont des facteurs effectivement qui peuvent être porteurs. Pour certaines entreprises, c'est clair que c'est très porteur. Par exemple, l'entreprise belge qui est la spécialiste des ralentis sportifs, c'est le spécialiste mondial du ralenti sportif. Quand vous voyez une belle image d'un coureur qui vient s'écrouler sur la ligne d'arrivée, c'est des Belges qui travaillent l'image. Alors, les Jeux Olympiques, ça, c'est une belle occasion pour cette entreprise-là. Donc, les facteurs économiques. C'est fait. Oui? Alors, chiffre d'affaires positif, ça ne veut rien dire. Ah, ça, c'est pas la même chose. Chiffre, ne confondez jamais de grâce, chiffre d'affaires et bénéfice. Et je crois qu'il est peut-être temps que je vous donne deux, trois notions d'économie de base. Parce que ça, c'est une grosse couille, ce que vous faites. Pardonnez-moi, mais c'est vraiment une grosse, grosse bêtise. Et malheureusement, il y a énormément de gens qui disent des bêtises à ce niveau-là. Bon, allez. Un chiffre d'affaires, c'est quoi? Et je vous signale, entre parenthèses, que nous sommes dans une faculté de lettres, donc on est censé être un peu attentif à l'orthographe. Et dans le bon orthographe, chiffre d'affaires s'écrit avec S à la fin, parce qu'il y a plusieurs affaires. OK? Le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est le montant total monétaire des ventes que vous avez faites. Vous avez vendu 1000 tickets d'entrée à 20 euros, votre chiffre d'affaires se monte à 20 000 euros. D'accord? Sauf qu'en Belgique, il existe un truc qu'on appelle la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, si vous avez vendu 1000 paires de chaussures à 50 euros, 50 euros prix de vente public, dans ces 50 euros, il y a de la TVA. D'accord ? Donc, votre chiffre d'affaires n'est pas de 50 000 euros. Parce qu'il y a là-dedans une part que vous avez collectée au nom de l'État et que vous allez devoir immédiatement donner à l'État. Et sur des chaussures, la TVA est de combien de pourcents? 21%. Ce qui veut dire que si vous avez vendu 1000 paires à 50 euros prix de vente public, il y a là-dedans de la TVA qui vaut 21%. Donc, quel est votre chiffre d'affaires réel? Pardon? 40 000? Je ne sais pas, dites-moi. Faites le calcul, hein, vous avez tous une calculette sur votre smartphone. Hein. Moi, j'aime me fier encore à ce genre d'outil. Alors, qui me dit quoi? Comment est-ce qu'on fait? Moins un cinquième, c'est pas juste ça. Tâchez d'être un peu précis. Hein. Ah si, on doit appliquer une règle de trois, effectivement. Ouais. Comment avez-vous fait le calcul? Oui. Là, vous avez calculé le montant de la TVA. Ah, d'accord. Vous avez donc enlevé 21%, c'est ça? C'est ça? Si vous faites ça, chez moi, vous êtes pété, hein? Parce qu'en enlevant 21%, vous n'y arrivez pas. Parce que pour arriver au prix de 50 euros prix de vente publique, il a fallu multiplier mon prix de vente par 1,21 pour arriver au montant qui contient la TVA. J'ai dû appliquer la TVA, donc prendre 21% sur mon prix de vente. OK ? Donc faire un markup de 21% pour pouvoir le donner à l'État après. Donc en fait, pour pouvoir trouver le prix de vente hors taxe, il faut faire 50 euros divisé par 1,21. 1,06 si c'est des bananes. Parce que sur les bananes, la TVA est de 6%. Donc, pour enlever la TVA d'un prix, il faut diviser par 1 point le taux de TVA. C'est mathématique, hein, les amis. Ne me dites plus jamais que vous enlevez 21%. Hein. Ça, c'est faux, archi faux. Hein. Et c'est comme ça qu'on se plante en commerce. Hein. Bon, alors, donc, quel est votre chiffre d'affaires? 41, quelque chose. 41,300, quelque chose comme ça. Donc vous avez un réel chiffre d'affaires de 41,300. Ça veut dire le montant qui se retrouve en net dans votre tiroir caisse. Je dis bien en net, après avoir enlevé la TVA que vous allez devoir donner à l'État. Hein. Première chose sur laquelle les commerçants se plantent, ils oublient qu'il y a de la TVA. Et donc ils confondent tiroir caisse et chiffre d'affaires. C'est déjà pas juste. Bon, après ça, vous faites un chiffre d'affaires. Très bien. Mais votre chiffre d'affaires, si vous vendez des chaussures, ben, vous avez dû payer vos chaussures aux fournisseurs de chaussures. Juste. Alors peut-être que en fait, sur 41 000, ben, vous allez avoir un coût des ventes. Le coût des ventes, c'est le coût du produit en question, d'environ, je vais être au large, 50%. 50% de coût des ventes. C'est le prix d'achat de ce que vous a coûté la marchandise. Ça veut dire que la marchandise, vous avez un chiffre d'affaires de 41,300. Le coût des ventes est de 50%, c'est-à-dire 20,650, si je ne m'abuse. Juste. Donc, en fait, votre marge brute est égale à 20,650. Ça, c'est la marge brute, c'est-à-dire ce avec quoi vous allez pouvoir commencer à payer vos frais. Vos frais de quoi ? Ben, si vous avez un magasin, c'est le loyer déjà. Le loyer. Oh, la plus grosse part des frais, ça va être quoi ? Le personnel, hein, les frais de personnel. Les frais de personnel. Et quoi encore ? D'abord, les frais généraux. Il faut quand même de la lumière, il faut nettoyer. Il faut qu'il y ait un comptable qui fasse la comptabilité. Tout ça, ça coûte de l'argent. OK ? Donc, en fait, le loyer va peut-être vous coûter, je vais dire n'importe quoi comme chiffre à ce stade, hein, 2000 euros. Les frais de personnel vont vous coûter 15 000 euros. Et les frais généraux vont vous coûter peut-être 2000 euros aussi. 2000 euros aussi. Total, 19 000 euros de frais fixes, c'est-à-dire des frais qui existent même si vous vendez plus de chaussures ou même si vous vendez moins de chaussures. Okay. Donc, il reste 1650 euros de bénéfices taxables sur lesquels on vous prend 30-35%, ce qui veut dire qu'il va rester quelque chose comme 1000 euros que vous pouvez décider de distribuer sous forme de dividendes ou bien de réinvestir dans l'entreprise. Typiquement, on va réinvestir au moins la moitié, on va le mettre en réserve ou bien on va investir dans un nouveau magasin, remodeler le magasin, acheter une machine nouvelle, etc. Donc là, souvent, c'est splitté entre 500 d'investissement et 500 de dividendes sur lesquels l'État va prélever 27% de taxes mobilières, 27% à l'État reste un actionnaire 300 et quelques euros. Absolument. Pour le bien de tous. Pour qu'on puisse payer les chômeurs, par exemple. Ou de la sécurité sociale. Ou investir dans les grands travaux. Voilà. Alors, ce que vous me disiez, un chiffre d'affaires positif, ben, un chiffre d'affaires, c'est toujours positif. Dès que vous vendez, vous faites du chiffre d'affaires, et ça fait, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, ça reste zéro. Donc ça ne peut être que positif, le chiffre d'affaires. Le bénéfice, par contre, il peut passer au négatif. Hein? Si tout à coup, par exemple, l'État décide de prendre un peu plus d'impôts ici, ou si, par exemple, votre marge brute s'effondre parce que vous avez vendu en solde, et qu'au lieu de faire 20 000, vous faites 15 000, vous continuez à avoir 19 000 de frais fixes, vous êtes à moins 4. Là, vous faites un bénéfice négatif. Vous faites donc une perte. OK ? Alors, quand vous disiez comment est-ce qu'une entreprise qui est, en fait, ce que vous vouliez dire, en bénéfice, peut licencier des gens, ben c'est parce qu'elle voit, par exemple, que sa marge brute s'effondre et que dans 3 ans, sa marge brute va tomber en dessous de ses frais fixes actuels, dans une perspective dynamique future. Et donc, elle se dit, oula, si je fais la perte, je risque de plus exister. Donc, si je veux continuer à vivre, il faut que, ou bien, je trouve le moyen de remonter ma marge brute d'exploitation, soit en vendant plus, soit en achetant mieux. Achetant mieux, ça veut dire, je fais baisser mon coût des ventes, ou en vendant plus, ça veut dire, je vends plus cher ou je vends plus d'unités. Mais si je ne peux pas faire ça, je suis obligé d'ajuster mes frais fixes. Et les premiers frais fixes sur lesquels on tombe toujours, c'est la plus grosse masse, c'est toujours des salaires. Et pour réguler ce frais fixe-là, ben on se dit, je vais payer 10% de moins mes employés. Vous croyez qu'ils vont accepter? Donc je vais dire, ben, je vais avoir moins d'employés. Je ne suis pas cynique en disant ça. C'est exactement ce qui s'est passé chez Deleuze, par exemple. Deleuze est numéro un en Belgique dans la grande distribution alimentaire. Mais à force, il y a un concurrent très très fort qui s'appelle Colruyt et qui devient numéro un lui. Il prend les parts de marché, il devient numéro un. Alors Deleuze a un problème d'amour propre avec ça. Quoi ? Je ne suis plus le numéro un ? Ça ne va pas. Et c'est qui m'a piqué ma place ? C'est le vilain méchant Colruyt qui dit qu'il a de l'axe 13, les prix les plus bas. Eh bien, moi aussi, je vais faire des prix bas. Et donc, il baisse ses prix. Seulement, si vous baissez vos prix, vous espérez augmenter vos ventes. Eh bien, ce n'est pas le cas. Parce que pour augmenter vos ventes, il faut conquérir des clients à l'adversaire. Et conquérir des clients à l'adversaire, c'est pas facile parce que le client Colruyt, c'est le client no bullshit shopping. Okay? Il est branché sur efficacité, minimum de temps passé, prix les plus bas. Il est prêt à mettre une écharpe pour aller acheter du jambon parce qu'il faut rentrer dans une pièce quand il fait froid. C'est pas du tout le même client que le client Deleuze. Donc Deleuze baisse ses prix de 2% et ne gagne pas un client de plus. Son chiffre d'affaires n'augmente pas. Il n'y a pas 36 solutions. Vous baissez vos prix de 2%, donc votre chiffre d'affaires baisse de 2% si vous n'avez pas un client de plus. Il n'y a pas d'élasticité. Résultat, votre marge brute baisse de 2%. Mais en attendant, les frais fixes de Deleuze, notamment les frais de personnel, qui sont à 13% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire plus élevé que chez les autres distributeurs, parce que Deleuze était une entreprise qui payait bien ses employés. Ben, ils sont restés au même niveau. Donc, les marges brutes qui baissent de 2% et les frais de personnel qui restent à 13%, Ben, vous savez que dans 3 ans, vous allez faire des fêtes. Donc, il faut faire quelque chose. D'où cette idée de perspective. Qu'est-ce que ça répond à votre question? Ah, j'ai pas dit qu'il fallait faire ça systématiquement, hein, virer des gens. Au contraire, je préférerais qu'on les garde, évidemment. Parce qu'après, quelqu'un doit les payer quand même. Sous forme de prétention, c'est nous qui les payons. Sous forme de chômeur, c'est nous qui les payons. Donc, l'inactivité est une perte de richesse pour l'État dans sa totalité. Vous avez compris la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice? Et n'oubliez pas, ce qui rentre dans la tiroir-caisse, c'est loin d'être du bénéfice. Hein. Tous les commerçants, 6 commerçants sur 10 minimum se plantent au bout de maximum 18 mois à cause de ça. Il y a du pognon dans la caisse, je le prends et je pars en vacances à Torremolinos. Attendez, il y a d'abord une part qui revient à l'État sous forme de TVA que vous avez perçue pour son compte, puis il y a une part qui vous allez devoir donner à vos fournisseurs pour les payer. Ah oui, c'est payer les fournisseurs, payer. Bon, on verra plus tard. Et commence la cavalerie alors, hein, c'est-à-dire l'argent qui rentre, qui sert à payer les retards, et puis au bout d'un moment, on ne sait plus rien payer, on ne sait plus payer son ONSS, on ne sait plus payer ses employés, et on appelle ça état de faillite. Bleu. Si vous voulez quelques notions économiques, j'ai mis sur l'université virtuelle un microsyllabus dans lequel vous avez une série de formules, parce que quelque part, marge brute, moins préfixe, c'est un peu des formules, mais c'est des formules simples, hein, qui vont permettre de calculer la marge brute, le markup, doter la TVA, etc. Vous trouvez tout ça. Vous avez déjà trouvé ça? Vous avez déjà regardé? Vous avez des questions? Les seules questions idiotes, c'est celles qu'on n'a pas osé poser. Hein. D'accord? Bon, allez, revenez-moi si vous avez des questions. Hein. Bon, tâchez de retenir ça, le bénéfice, c'est pas le chiffre d'affaires, et le chiffre d'affaires négatif, ça n'existe pas. D'accord? Des facteurs économiques, donc. Des facteurs socioculturels. Par exemple, ben, vous organisez des spectacles pour enfants à Scarbeck ou à Saint-Josse. Ben, peut-être qu'il faudrait les faire dans une autre langue que le français. Parce que la population là, elle ne parle pas majoritairement français. D'accord ? Phénomène socioculturel. Le phénomène du voile, c'est un phénomène socioculturel. Il y a des tas de métiers ou de business qui peuvent être impactés par ça. Alors, c'est aussi une opportunité pour celui qui vend du tissu, hein. Ou celui qui a pondu une collection de bikini, qui peut faire un bon business éventuellement grâce à ça. Il y a le fait que les gens soient beaucoup plus sur un smartphone aujourd'hui que sur un PC, qui fait que le marché du PC, il est en train de dégringoler. Parce que tout en fait, c'est plus portable d'utiliser son portable pour faire toute une série de choses. Ce qui impacte aussi beaucoup de métiers, parce qu'avec un portable, on peut tout de suite voir, par exemple, si tel produit... Oh, c'est chouette ça. Je scanne le barcode et je regarde sur quel coût. Et je vois, grâce à l'application Around Me, qu'il y a un autre magasin qui vend le même bidule, 20% moins cher, à 150 mètres. Et du coup, j'achète pas là. Mais je me suis d'abord fait expliquer par le vendeur les caractéristiques techniques de la chose, et puis je vais l'acheter en super étoile chez l'autre. Voilà un phénomène socioculturel qui s'appelle du showrooming, et qui existe aujourd'hui, et qui a un énorme impact sur le commerce, si vous avez un commerce... brick and mortar, comme on dit, c'est-à-dire avec des briques et du mortier, un magasin. Les facteurs légaux, bien sûr, Il y a des choses qui sont permises, d'autres choses qui sont interdites. Par exemple, à vos souhaits, la vente de médicaments par Internet est interdite dans notre pays. Parce que le médicament ne peut être délivré que par un pharmacien au patient en direct. Et donc, pas possible en principe d'acheter des médicaments en Belgique via un site Internet. Mais de la parapharmacie vient. Donc, des produits de cosmétiques, par exemple, ou des pansements, pas de problème. Ça, on peut acheter par Internet. On ne peut pas acheter des médicaments ou vendre des médicaments. Ce qui n'empêche pas certaines entreprises, quelque part dans le monde, d'arriver à vendre du Viagra en Belgique via Internet. Hein. Pas sûr, la pilule sera bleue, mais pas sûr qu'il y ait le principe actif dedans, parce que on ne sait pas d'où ça vient. Donc, mais voilà, des impacts. Alors, la loi n'est pas la même dans tous les pays. Par exemple, en France, les anti-inflammatoires comme le diclofénac peuvent être vendus en self-service dans une pharmacie, pas en Belgique. En Belgique, on ne peut pas vendre du diclofénac en vente libre. C'est-à-dire qu'on peut, la vente est libre, elle est sans prescription. Hein. J'essaie de vous trouver le nom d'un produit. Voltaren. Voltaren, c'est du diclofénac, c'est un anti-inflammatoire pour les douleurs articulaires, etc. Si vous en voulez, vous le demandez au pharmacien. Il va vous le donner, mais il va devoir vous dire des choses du genre, vous n'avez pas de problème d'estomac, est-ce que vous avez facilement des problèmes de digestion? Dans ce cas-là, je ne vous le donne pas. Ça peut vous foutre des ulcères à l'estomac, ce produit. Ok? Et donc, mais en France, pas. Vous le voyez dans le rayon, vous le prenez et vous l'emportez. La loi est différente. La TVA est différente. En Belgique, 21%. Dans les pays limitrophes, 20%. Ben, ça fait 1% de différence, ça vaut la peine pour certaines choses. Pourquoi est-ce que tout le monde s'arrête à Luxembourg pour prendre de l'essence? Parce qu'il y a moins d'accises et des cigarettes. Pourquoi est-ce que les Français viennent en Belgique acheter du martini? Parce que la TVA est moins élevée sur le martini chez nous que chez eux. Pourquoi est-ce que les Belges vont en France acheter de l'eau? Ben, parce que l'eau est moins taxée et les bouteilles en plastique sont moins taxées en France qu'en Belgique, etc. Donc, il y a des phénomènes de passage de frontières liés à des aspects simplement de fiscalité. Et puis il y a des phénomènes écologiques qui peuvent avoir une influence positive ou négative sur le business, qu'il soit culturel ou pas. Tout le monde sait que quand il fait très mauvais, il y a plein de gens dans le shopping center de Woluwe. Par contre, quand il fait très beau, il n'y a plus un client. C'est tout bête. Alors, en Belgique, par exemple, dans une ville, dans une même rue, il y a un bon côté pour les commerces et il y a un moins bon côté pour les commerces. À votre avis, le bon côté, il est où? Vous n'avez pas d'idée? Prenez l'avenue Louise, d'accord? Le goulot de l'avenue Louise, vous voyez tout? Vous voyez tous? Hein, entre la place Stéphanie et la place Poulard? Eh bien, quel est le bon côté de cette avenue sur le plan du commerce? Non. Celui où il y a du soleil, c'est-à-dire le côté nord. Pourquoi ça? Ben parce que c'est plus agréable de se trimballer sur le trottoir ensoleillé que sur le trottoir à l'ombre en Belgique, en particulier aujourd'hui. Donc, il y a un bon trottoir et un mauvais trottoir. Alors attention, en Italie, ça va être l'inverse. Parce que là, il y a trop de soleil, alors on cherche à s'en protéger. C'est pour ça qu'ils mettent souvent des galeries commerçantes parce que ça permet de se protéger du soleil. Donc voilà un facteur d'influence qui n'a l'air de rien, mais qui peut faire capoter un business qui s'installe du mauvais côté de la rue. La pollution est évidemment une opportunité pour les uns et un problème pour les autres. Donc voici toute une série de facteurs d'influence. Vous reconnaissez que ce sont des facteurs d'influence externes. Vous ne savez pas y faire grand-chose. Ils seront là et ils ne vont peut-être pas avoir un impact aujourd'hui, mais à terme probablement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'identifier ce qui va pouvoir constituer un facteur positif d'influence, c'est-à-dire une opportunité, et un facteur négatif d'influence, c'est-à-dire une menace potentielle. Voilà, je vous ai mis un deuxième slide où vous aurez toute une série d'exemples de choses qui peuvent avoir de l'influence. J'ai oublié de parler du niveau d'éducation d'un pays. Voilà un facteur socioculturel qui peut avoir une grosse importance. La proportion de femmes au travail, ça a une énorme importance socioculturelle, ne plus que sur la paix. Plus les femmes sont éduquées, plus elles sont entrées dans le domaine du travail, moins il y a de guerre. C'est un truc à retenir. Philosophiquement, c'est important. Et si on garde les femmes dans l'ignorance, c'est peut-être pour pouvoir faire plus facilement la guerre. Voilà, vous allez trouver là toute une série d'influences. Le mot consumérisme, vous voyez de quoi il s'agit ? Donc c'est une influence socioculturelle. C'est le fait d'avoir des choses comme test-achat, c'est-à-dire des gens qui analysent si c'est bon ou si c'est mauvais pour le consommateur de faire ceci ou de faire ça. Et donc c'est un mouvement qui a été lancé. Vous avez une idée qui a lancé ça? Ça remonte à loin. C'est un type qui s'appelle Ralph Nader. Vous connaissez ce monsieur? Oui. Il s'est présenté 4 fois aux élections des États-Unis. Il a chaque fois été pété. Mais c'est un avocat qui, dans les années 60, s'est battu contre ce qu'on appelle « the hidden persuaders ». C'est-à-dire qu'à l'époque, des boîtes qui vendaient du soda, que je ne peux pas nommer ici, faisaient des pubs du genre « une image sur 24 dans un film au cinéma ». Disait qu'est-ce que j'ai envie d'un schmutz. Et donc vous la voyez pas cette image, mais votre œil l'enregistre, votre cerveau l'enregistre, et quand vous sortez, tout à coup vous avez soif et vous avez envie d'un soda schmutz. C'est donc une publicité subliminale qui touche votre cerveau sans que vous le sachiez et qui donc va à l'encontre de votre libre choix. Ralph Nader était le premier avocat qui s'est battu pour faire interdire la publicité subliminale. Okay? Et donc c'est le premier avocat consumériste. Pour la protection du consommateur, il a fait passer un certain nombre de lois. Mais vous avez montré vous-même que, comme personne ne se souvient que c'est lui qui est à la base de ça, il ne bénéficie pas d'une aura positive pour se présenter comme président des États-Unis, en tout cas pas suffisamment. Donc, il y a d'autres cons qui peuvent le faire. Mais eux sont connus. Voilà, ça c'est toute une série de facteurs d'influence. Et donc, ça détermine des influences positives ou négatives, des opportunités ou des menaces. En anglais, opportunities or threats. O et T. Pourquoi je le dis en anglais O et T? Parce que l'analyse suivante que vous allez faire, c'est ce qu'on appelle l'analyse SWOT. O et T, on vient de le faire. O et T, c'est les facteurs d'origine externe qui peuvent constituer des opportunités ou des menaces. Alors ça, c'est un des outils de base de la stratégie. Quelles sont les opportunités et quelles sont les menaces pour le business que... Le business ou des opérations culturelles ou... Ou pour moi, en tant que personne qui cherche de l'emploi. Les opportunités, c'est par exemple, il y a une nouvelle, un nouveau décret de la région bruxelloise qui dit que si vous engagez un jeune fraîchement émoulu de l'université, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de charges sociales de 50%. Voilà un facteur légal qui a une influence tout de suite positive sur votre possibilité de vous mettre à l'emploi. Et menace, c'est un facteur externe qui risque de vous freiner dans votre recherche d'emploi. Comme quoi, par exemple ? Pardon ? La guerre. Oui, s'il y a la guerre, on doit communiquer quand même. Hein. Mais peut-être, ça va plomber le moral. Peut-être. Les guerres ou un attentat, ça plombe le moral du consommateur, du coup, il ne bouge plus. Par exemple, l'attentat de Bruxelles est une menace sur le futur, non pas physique, mais l'université de Bruxelles aujourd'hui a moins d'inscrits que l'année dernière. Idem pour la BUB. Toutes les universités situées à Bruxelles connaissent 15 à 20% d'inscriptions en moins. Ça veut dire 15 à 20% de rentrées financières venant de l'État en moins. Et les frais fixes continuent à exister. Donc on va peut-être devoir revirer. Mais c'est une grosse menace pour les universités. Parce que ça touche à leur chiffre d'affaires, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire les subsides par étudiant qu'ils reçoivent de l'État. Donc voilà une menace. Une autre menace sur vous par rapport à l'emploi, ben déjà le fait que vous soyez 100 dans ton auditoire. Punaise, on est trop nombreux, hein. Non ? Il faudrait qu'il y en ait 2-3 qui ne sortent pas, quoi. Je m'en occupe. Je plaisante. J'essaie de vous donner des perspectives de réflexion. Oui. C'est quoi la différence entre le modèle Pestel et le modèle Pestel ? Alors, le modèle Pestel, ça s'intéresse juste aux deux parties du bas. C'est les influences externes. D'accord ? Les influences externes de 5 ou 6 sortes différentes. D'accord ? Tandis que les deux autres parties, les parties force et faiblesse, c'est des forces et des faiblesses internes à l'institution, à l'organisation ou à vous. C'est-à-dire, j'ai cette force et j'ai cette faiblesse. Par exemple, je suis quelqu'un de très intelligent qui a fait des études super, c'est une force. Je suis très timide sur le marché de l'emploi, c'est une faiblesse. D'accord ? Et ça, c'est lié à vous. Alors attention, une analyse SWOT, on fait ça pour l'entreprise. On fait ça pour l'organisation, on fait ça pour le théâtre, on fait ça pour le ciné, on fait ça pour moi en tant que personne. C'est pas le SWOT du marché qu'on fait, hein. C'est le SWOT d'une entité qui interagit sur ce marché. Donc, ne me faites pas le SWOT du marché de l'emploi, faites votre SWOT à vous. Et donc, il va aussi falloir, et ça on en a déjà parlé la fois dernière, analyser quelles sont les forces de votre entité et ses faiblesses. Elles peuvent être financières, elles peuvent être, je voudrais bien m'adresser à des entreprises pour qu'elles m'engagent, mais elles n'engagent que des gens qui manipulent à fond Facebook, Twitter et LinkedIn, et moi j'y connais rien. Bah, ça c'est une faiblesse en commun. Aujourd'hui. Ma force, c'est ma ma capacité de convaincre, mon dynamisme, ma personnalité rayonnante. Ça nécessite une introspection assez objective. Et quand vous avez fait ça, ben vous vous rendez tout de suite compte qu'il y a des pistes sur lesquelles vous ne devez même pas essayer de jouer. Parce que ça ne vous correspond pas. Ça ne correspond pas à vos compétences. Par exemple, un de mes clients est une entreprise du sud du pays, bien connue, il s'appelle Trafic. Vous connaissez Trafic ? Les magasins Trafic ? Ok, ils vendent quoi ? Du but. Hein, comment dire l'hôtel ? Du brawl. Ils le disent eux-mêmes, du bazar et du textile. Okay. Leur positionnement, c'est quoi ? Haut de gamme, bas de gamme, moyenne gamme ? Bas de gamme. Si vous leur dites ça, vous faites la marchandise vous tue. Hein. On ne dit jamais bas de gamme hein, en marketing. On dit entrée de gamme. On utilise beaucoup l'euphémisme hein, en marketing. Donc, ils vendent de l'entrée de gamme en textile et en bazar. Eh bien, les frères marchandises, ils sont nés à Mété, près de Couvain, Philippeville, vous voyez, dans la bosse du Hainaut. Et vous savez quoi ? Ils ne jasent pas flamand. Ils ne parlent pas flamand. Ils n'ont jamais voulu apprendre le flamand, Michel et André. Et donc, ils ont décidé un jour, ils ont essayé, et puis, c'était quand même vrai que vrai, ils ont 60 magasins en Belgique, ils ont décidé d'en implanter en région flamande, et ça n'a pas marché. Et très rapidement, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Nous, on jase main la main, et on n'a pas envie de l'apprendre. Ben alors, qu'est-ce qu'on fout en Flandre ? Attaquons plutôt le nord de la France. C'est culturellement beaucoup plus proche de nous. Socio-économiquement, ils ont le même pouvoir d'achat que dans la botte du Hainaut, c'est-à-dire pas terrible. Donc, notre concept peut très bien pénétrer du côté de Sedan, Maubeuge, Tourcoing et compagnie. Et donc, allons plutôt voir de ce côté-là, plutôt qu'en Flandre. Vous voyez ? Ils ont décidé d'attaquer une cible qui correspondait beaucoup mieux à leur force et à leur faiblesse que la Flandre. Ben c'est pareil pour vous sur le marché de l'emploi. Ça ne sert à rien de s'attaquer à une cible où vous allez 200 000 à vouloir l'avoir et que tout compte fait, vous n'êtes pas qualifié pour ou vous n'avez pas ce qu'il faut pour ou d'ailleurs, vous n'aimez pas ça. Parce que ce que vous avez envie de faire a aussi de l'importance. Ma capacité à m'investir dans un truc qui me plaît fondamentalement sera beaucoup plus grande que dans un truc où je me fais chier, non ? Ben retenez déjà cette idée, hein. Ça sert à rien d'envoyer 2500 CV tous azimuts en espérant qu'il y en ait un qui morde, hein. Vous serez beaucoup plus convaincant si vous vous adressez à des marchés où vos forces peuvent être un atout particulier, d'accord ? Ça faut déjà les avoir repérés, d'où l'analyse SWOT. Ok ? Et ça peut être quoi les forces ? Des capacités. Mon orthographe est parfait. Pas formidable. Ou mon prix est bon. Parce que j'ai un mode de production qui est tel que je produis à moindre coût. C'est comme ça que Solvay est devenu riche. Il a inventé une nouvelle manière de produire la soude qui était beaucoup moins chère et beaucoup plus rapide que précédemment grâce à l'utilisation d'une nouvelle formule chimique, en gros, avec des isotopes, avec des intermédiaires chimiques qui permettaient d'aller beaucoup plus vite. Et résultat, il pouvait mettre la soude sur le marché à un prix que les concurrents ne pouvaient pas faire. La soude, je vous rappelle, c'est la base de tout ce qui est savon, détergent, et c'est aussi la base de ce qui est le verre. Deux grosses industries. Et donc c'est comme ça qu'il est devenu riche, parce que son mode de fabrication lui permettait un prix plus bas sur le marché. Une expertise. Vous allez être expert en marketing en sortant d'ici. Grâce au cours de Jacques-François et de Michel Massard. Parlez bien. Il vous permet juste d'aborder les deux. Pourquoi vous êtes fort? Peut-être parce que vous avez déjà des clients. Vous travaillez déjà on the side. Vous pouvez avoir des faiblesses pour les mêmes raisons. Et puis, de nouveau, sur le marché, il y a des leviers, il y a des segments peut-être d'opportunités. Je discutais avec des agences de voyage, il y a des segments de niche très porteurs pour le moment en voyage, si vous savez vous adapter à cette niche-là. Par exemple, imaginez d'être l'agence de voyage spécialisée pour les personnes à mobilité réduite. Oufti, mais si vous pouvez leur procurer un hôtel où ils peuvent entrer dans leur chaise roulante plus facilement, accéder plus facilement sans marche, etc., et que tout le voyage est prévu de cette manière-là, mais vous leur amenez un avantage extraordinaire pour que leurs vacances se passent bien. Donc, voilà un marché potentiellement intéressant. Il est peut-être plus limité qu'un autre, évidemment. Mais si vous devenez le premier spécialiste dedans, ben vous avez des chances de pouvoir développer une belle affaire. Les technologies, je vous en ai parlé, des nouveaux canaux ou des canaux qui disparaissent. Malheureusement, les agences de voyage, il y en a beaucoup qui disparaissent. Il y a pas mal de canaux comme ça qui sont en train de sauter. Et puis peut-être aussi vous êtes fort en promotion. Parfois les menaces c'est les concurrents, parfois les menaces c'est les conditions de marché. On ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire ça. Ou il va falloir le faire en payant des taxes supplémentaires. Tout ça porte préjudice à certains marchés. Par exemple, le marché du transport qui s'est vu grevé d'une taxe au kilomètre qui pollue, tout à coup c'est un marché où les prix doivent augmenter, sinon on ne pourra pas s'en sortir. On a calculé que l'impact de la taxe kilométrique sera à peu près sur les prix de vente à vous dans les biens alimentaires. Votre pot de Nutella devrait augmenter de 0,5 à 1% dans un ou deux ans à cause de la taxe kilométrique, parce que le Nutella, il faut le transporter. Hein. Ça va l'analyse SWOT? Alors SWOT, ça veut dire Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats. Force, faiblesse, opportunité, menace. On pourrait faire FOM, mais il n'y a jamais personne qui l'a appelé comme ça. Troisième type d'analyse. Mais mes amis, je vous propose de nous interrompre quelques instants, on le verra après. Prenons un quart d'heure de pause, ça nous permet de prendre l'air, de voir ce qu'il y a sur notre smartphone. Utiliser les notions qu'on a utilisées tout à l'heure. Ce qu'on a fait tout à l'heure là, le tableau à gauche, hein, chiffre d'affaires, coût des ventes, marge brute, loyer très personnel, très généraux, bénéfices, ça s'appelle un compte de résultat. Dans la comptabilité normalisée en Belgique. Ça s'appelle un compte de résultat. On appelle ça aussi un compte de perte et profit. Ça, c'était dans le temps. On appelle ça aussi un compte d'exploitation. D'accord ? Ces trois mots-là, ça veut dire la même chose. C'est, en gros, si je compte les dépenses du ménage, combien on a eu de rémunérations qui sont rentrées, combien on a dépensé pour les gosses, combien on a dépensé pour la maison, combien on a dépensé pour les courses, reste autant à la fin d'année. C'est pareil. Okay? C'est un compte de résultat. Bien. Je voudrais qu'on fasse ensemble un exercice qui va montrer l'importance du prix, l'importance du chiffre d'affaires. Okay? Donc, voici une entreprise qui vend, disons, des perceuses électriques. Ok. quel monde passionnant. Je prends celle-là parce que c'est un monde, à votre avis, c'est un marché monopole, oligopole, ou bien un marché mûr où il y a beaucoup de producteurs possibles. Monopole, ça veut dire qu'il y a un seul acteur sur le marché. Oligopole, ça veut dire qu'il y en a deux, trois, quelques-uns. Oligos, ça veut dire peu, quelques-uns. Oligopole ? On est dans un marché complètement mûr. Il y a des milliers de producteurs de machines, on dit comme ça. L'essentiel étant asiatique. Japonais, chinois, mais vous croyez que c'est représentatif le Brito? En général, ils ont trois marques le Brito. Rappelez-vous ça. Parce que on ne peut pas avoir 1000 marques dans les rayons. Hein. Donc, ils doivent prendre une sélection de marques qui correspond à plusieurs cibles. Okay. Mais ça ne va pas les prendre toutes. C'est pour ça qu'ils vont serrer la vis aux fournisseurs. S'ils ont envie d'être chez Brico, il va falloir qu'ils payent tout. C'est tout le propos de ce qu'on va voir dans un instant dans l'analyse de Porter. Mais pour le moment, attachons-nous à donc. Voici un marché mûr. Il y a plein de producteurs de machines. Ok. Alors, votre prix de vente hors taxe, je dis bien hors taxe, c'est-à-dire que si vous voulez le prix de vente public, il faudra appliquer 21% de TVA. Donc, le prix de vente public ici, il est de 121 €. Ok. Le prix de vente hors taxe, il est de 100 €. Pour arriver à 100 à partir de 121, vous divisez par 1,21, hein. Vous n'enlevez pas 21%. Hein. Faites le calcul, vous verrez que vous ne tombez pas juste. Hein. Parce que 21% de 121, ça ne fait pas 21. Pas vraiment. Mathématiquement. Vous avez un coût des ventes, c'est-à-dire ce que coûte la machine, c'est 60. Ça veut dire que vous faites une marge brute de 40. La différence entre le prix de vente et le coût de la vente. D'accord ? Donc votre marge brute, elle est de 40 €. Ici, en l'occurrence, 40 €, c'est 40% aussi. Ce qui est à peu près ce qu'on va faire sur ce genre de machine. Le volume vendu, vous en vendez 1 million de pièces par an. Ça veut dire que votre chiffre d'affaires est combien ? 100 millions. J'ai 100 millions à droite, à gauche, et j'ai 1 300 000. Non. 100 millions. Ah, d'accord. 100 millions. 100 fois 1 million. J'ai 100 millions de chiffre d'affaires. Vous avez compris chiffre d'affaires ? Ok. J'ai des coûts fixes. Ah, bah oui, pour vendre, il faut du personnel de vente. Il faut un local. Il faut un loyer. Il faut de la lumière. Il faut. Des meubles, etc. J'ai des frais fixes, donc, de 30 millions. Alors, vous faites 100 millions moins le coût des ventes égale 40 millions de marge brute, moins 30 millions de frais fixes égale bénéfice avant taxe, 10 millions. Vous avez tous compris ? Ok, oui. Vous voyez la différence entre chiffre d'affaires et bénéfice maintenant ? C'est beaucoup plus petit, hein, le bénéfice. Maintenant, je vais vous demander, typiquement dans un marché mûr, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de la concurrence, oui. Alors, 100 millions de chiffre d'affaires, moins 60 millions de coûts des ventes, c'est-à-dire le coût de la marchandise, j'ai dû l'acheter à un fournisseur. Okay. Moins, ça fait ça, 100 millions, moins 60 millions, ça fait 40 millions de bénéfices bruts, desquels je dois enlever mes frais fixes. Loyer, frais personnels, etc. Les frais fixes sont de 30 millions, 40 millions au moins 30 millions, il y a 10 millions de bénéfices. Ça va, vous suivez? Maintenant, vous vous dites, sur un marché mu, il y a plein de concurrents. Hein. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand il y a plein de concurrents? Pour arriver à vendre, on baisse ses prix. Eh bien, je vais vous demander, si vous baissez votre prix de combien? 1%, vous croyez que ça va avoir un impact? On se déplace pour 1%. Disons qu'on va baisser les prix de 5%. Ok? Vous baissez vos prix de 5%. Quel est l'impact sur votre bénéfice? Les frais fixes, c'est pas parce que vous baissez vos prix que votre personnel coûte moins cher. Donc il continue à être fixe. Donc ça vous pompe encore 30 millions. Donc résultat, en fait, en baissant votre prix de 5%, vous avez fait sauter la moitié de votre bénéfice. Vous voyez l'impact que ça a? Si vous baissez votre prix de 10%, c'est fréquent, hein? Allez, fais-moi 10%, hein? Ouais, allez, je te fais 10%, hein? 10%, bang, vous n'avez plus de bénéfices. Vous retenez ça? Vous retenez ça toute votre vie. Baisser son prix, ça fait péter les plombs du bénéfice. Et sans bénéfice, on ne sait plus vivre l'année suivante. Parce qu'on ne sait pas réinvestir. Parce qu'on ne progresse plus. D'accord? Et si le bénéfice baisse encore, vous faites 15% de réduction, vous tombez en perte à ce moment-là, vous ne savez plus payer vos frais fixes, vous ne savez plus payer votre ONSS et vous ne savez plus payer votre personnel. Donc vous mettez en danger aussi votre personnel. Donc arrêtez de faire des ristournes. Vous allez encore m'entendre dire ça souvent, arrêtez de faire des ristournes. Il faut arrêter cette culture du « on peut le trouver moins cher ». Parce que ça, c'est faire de la destruction de valeur. Bien sûr, vous pourrez trouver du poulet à 2,99€ le kilo. Mais je vais vous dire, c'est franchement de la merde. C'est pas bon, un poulet à 2,99€ le kilo. Ça ne sait pas être bon. Parce que pour que ce soit bon, il faut que ça coûte plus cher. Donc arrêtez de chercher systématiquement moins cher ou de demander « faites-moi 10% » aux commerçants. Hein, parce qu'il y a un moment où il ne sait plus. Et s'il sait, c'est parce qu'il a adapté son coût des ventes. Donc il est allé quelque part acheter du poulet de merde, qui a bouffé de la merde, et qu'il traite comme de la merde pour vous le vendre à 2,99€ le kilo. Mais c'est ça que vous avez demandé. Hein. Vous comprenez? Donc, arrêtez la culture des discounts. C'est pas durable. Ça n'est pas durable. Bien, ça c'est pour vous montrer tout l'impact que peut avoir une baisse de prix. Et pourquoi est-ce qu'on fait des baisses de prix? Ben parce qu'on ne se sent pas le plus fort sur le marché. On ne se sent pas le plus fort sur le marché parce que... on ne se sent pas le plus fort sur le marché parce que, par exemple, on est plus petit. Ou parce que, par exemple, on est dans la tradition et que donc on produit encore, par exemple, à la main, alors que d'autres produisent à la machine. Alors, un économiste qui s'appelle Michael Porter, qui est professeur à la Harvard Business School, a dit, mais donc il serait intéressant, avant de s'attaquer à un marché, d'analyser quelle puissance de négociation on peut avoir sur ce marché. On appelle ça en américain du bargaining power, le pouvoir de négociation. Est-ce qu'on est plus fort dans la relation achat-vente que ceux qui sont en face de nous? Et on va analyser ça par rapport aux fournisseurs. Par exemple, si vous êtes Dantan, les utilisateurs d'essence et les utilisateurs de produits pétroliers étaient les plus forts sur le marché. Et puis un jour, il y a une institution qui s'est créée, qui s'appelle l'OPEP. Ça date de 1954. Moi, j'étais à votre place sur les bords du Nil à ce moment-là. Et l'OPEP, c'est les pays producteurs de pétrole qui ont dit, eh les gars, on est en train de se faire couillonner depuis des dizaines d'années ici par les entreprises pétrolières qui, eux, font du bénéfice et en nous achetant notre pétrole très, très, très bon marché. Vous pouvez essayer de vendre notre pétrole, on baisse nos prix, on baisse nos prix, on baisse. Ça suffit, hein, on va s'entendre et on va dire, plus personne ne vend son pétrole à moins de autant. Ils ont fait ça et tout à coup, le prix du pétrole a été multiplié par 3. Premier choc pétrolier dans le monde, ça a mis beaucoup d'États en grande difficulté. Tout à coup, il y a eu une puissance de négociation qui s'est installée. Les pays producteurs sont devenus plus forts en négociation que les acheteurs. Et ça a complètement bouleversé le marché. Parfois, c'est le client qui est le plus fort. Si le client peut aller voir son hôtel sur Internet et l'avoir 10% moins cher, c'est évident qu'il va aller chercher sur Internet à l'acheter. Et en attendant, l'agence de voyage, elle ne vit plus. Donc l'agent de voyage, par rapport au nouvel entrant qui est Internet, eh bien, il a été bien mal barré parce que c'est son client qui avait le pouvoir de décider si oui ou non faisait appel à lui. Parce que dans le temps, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Bien sûr, votre pouvoir de négociation va diminuer si vous avez beaucoup de concurrents ou d'alternatives. Si par contre, vous êtes tout seul en position de monopole, alors là, c'est piece of cake. Vous pouvez pratiquer les conditions commerciales que vous voulez. On ne sait venir que chez vous pour ça. C'est typiquement le cas des fonctions régaliennes de l'État, déjà. Mais il y en a de moins en moins. Si vous voulez un policier, c'est uniquement la police. Ben non, il y a des sociétés de gardiennage. Hein. Ah, si vous voulez de la monnaie, c'est uniquement l'institution monétaire. Ah, ça, oui. Sauf que je peux emprunter de la monnaie aussi quand même à des banques, hein, créer de la monnaie. Donc, est-ce qu'il y a des concurrents ou des alternatives? Plus il y en a, plus le marché est mûr, plus vos pouvoirs de négociation va être vulnérable puisque d'autres peuvent proposer des prix moins chers. C'est ce qu'elle est en train de faire Amazon.com qui est en train de tuer 200 libraires par an en France. Parce que sur Amazon, vous pouvez avoir les livres 6% moins chers. 6%, ça vous dit quelque chose, ça, vous faites ? C'est quoi ? Pardon ? Les bananes de tout à l'heure. Les bananes de tout à l'heure. Oui, pourquoi les bananes de tout à l'heure ? C'est la TVA sur l'alimentation, pardon, et sur les produits de base. Et le livre est considéré par les États comme un produit de base, heureusement. Hein, un produit de nécessité, heureusement. OK ? Et donc, la TVA sur le livre est de 6%. Et donc, en fait, si Amazon est moins cher, c'est parce qu'il n'applique pas la TVA, le salaud. parce qu'il ne vous fait pas de conditions particulières, vous savez, il ne va pas plonger dans sa marge brute pour vous les offrir, c'est 6%. Il n'applique pas la TVA, ce qui est illégal. Normalement, il devrait l'appliquer. La TVA du pays où on vend. Et comment il fait pour ne pas l'appliquer ? Ben, il est simplement localisé en Irlande. Et voilà, et comme c'est de la TVA intracommunautaire, sur les livraisons intracommunautaires, il n'y a pas de TVA sur les livraisons à partir de l'Irlande. Et donc, il peut vous les vendre 6% moins cher. Voilà la beauté du système européen. Alors que Philipson, quand il vous vend un bouquin chez Filigrane, il est obligé d'appliquer 6% de TVA. Voilà qui n'est pas très logique. Mais compte tenu de cette position, Amazon risque de devenir un monopole un de ses jours. Et alors, vous savez quoi, à ce moment-là, il vous fera payer les coûts de livraison, hein, qui pour le moment sont plus ou moins gratuits, si vous êtes gentil. Mais quand il sera devenu le monopole, croyez-moi, il va vous les faire payer, hein, parce que sinon, il plombe lui-même son compte d'exploitation. Et puis les nouveaux entrants. Donc par rapport à tout cela, quelle est notre position de négociation possible ? La menace de nouveaux entrants. Alors le problème des nouveaux entrants, c'est qu'il faut déjà les avoir repérés. Ben, Amazon.com, tous les libraires l'ont repéré. Mais peut-être tard. Alors il y en a qui réagissent de la mauvaise manière. Ils disent, je vais faire le même prix qu'Amazon.com. Donc ils baissent leur marge de 6% et il arrive ce qu'on vient de calculer ensemble. Leur bénéfice diminue de moitié. Entendons-nous, ce ne sera pas toujours la moitié. Hein. Ici, c'était compte tenu des chiffres que je vous ai donnés que ça faisait la moitié. Mais ça frappe quand on utilise un exemple qui fait que 5% égale la moitié de mon bénéfice. Vous êtes une agence de voyage et que vous faites 5%, vous êtes tout à fait fou. Parce que votre marge, elle n'est pas de 40%, elle est de 14%. Vous enlevez un tiers de votre marge dès le départ, ça sera très très, très mal. Menace des nouveaux entrants, donc, le pouvoir de négociation des fournisseurs, il y en a certains qui sont faciles à négocier, il y en a d'autres qui sont moins faciles à négocier. Par exemple, un fournisseur très important dans notre pays, c'est le personnel. Alors, par exemple, vous connaissez une entreprise qui s'appelle Walmart. Okay, c'est quoi ? Ce sont des hypermarchés. Okay. C'est le plus gros opérateur du commerce dans le monde. Leur chiffre d'affaires est plus élevé que le produit national de l'Argentine ou de l'Autriche. C'est une idée. Ils sont au moins deux fois plus gros que le numéro 2. Donc c'est une très très grosse entreprise qui fonctionne extrêmement bien aux États-Unis. Ils ont essayé de s'implanter en Europe, notamment en Allemagne, et ça n'a pas marché du tout. Parce que Walmart a un principe, ils vendent discount, pas cher, et ils ont un service aux clients qui est formidable parce qu'ils ont énormément de personnel. Ils ont par exemple à l'entrée de chacun de leurs magasins ce qu'on appelle un greeter. En permanence, il y a une personne qui va vous dire, en vous regardant droit dans les yeux, Welcome to Walmart! Here is the folder, the promotional folder of the week. Voici le folder promotionnel de la semaine. Et chaque fois que vous allez croiser quelqu'un dans un rayon, il va dire Welcome to Walmart! Avec le sourire qui va avec. Et qui est-ce qu'ils utilisent à l'entrée pour faire ça ? Ce qu'on appelle des unretired, des gens qui sont retraités et qui ont envie de travailler encore 3 heures semaine, par exemple, histoire d'arrondir les fins de mois pour pouvoir payer des jouets à leurs petits-enfants. C'est sympathique. Eh bien, ce modèle-là est inapplicable chez nous. Parce qu'aux États-Unis, où le personnel de Walmart coûte environ 3-4 euros de l'heure, il coûte chez nous 30 euros de l'heure. Donc dire Welcome to Walmart, here is the promotional folder of the week, ça a coûté déjà 50 cents. 1 minute 50 cents. Alors ça, c'est pas possible. Surtout que cette personne-là, je ne peux pas l'engager 3 heures. Je suis obligé de l'engager 16 heures minimum par semaine. Oui, mais j'ai pas besoin d'aide pendant 16 heures, je n'en ai besoin que pendant 3 heures, juste le samedi après-midi. Ah ben non, ça ne va pas en Belgique. Donc, le modèle Walmart est inapplicable face à la puissance de négociation du fournisseur personnel en Europe. Les clients ont aussi un pouvoir de négociation. S'il y a beaucoup d'alternatives possibles, je peux papillonner de l'un à l'autre. Je peux être infidèle. Si par contre, vous êtes le seul, alors je suis obligé de m'adresser à vous. Les produits de substitution, ben, je parlais de la monnaie, un spectacle d'opéra, ou une bonne pièce de théâtre, c'est un produit de substitution. Et dans la plupart des domaines, il y a des produits de substitution. Et puis, les contraintes des pouvoirs publics, et chez nous, là, on est bien équipé. On a des réglementations communales, on a des réglementations provinciales, on a des réglementations régionales, on a des réglementations communautaires, on a des réglementations fédérales, on a des réglementations européennes et on a des réglementations internationales. Un de ces jours, les Martiens peut-être vont nous implanter, vont nous foutre encore des règlements supplémentaires. Bref, on est bien pourvu, on est bien équipé. Ah, j'ai oublié de vous ajouter les réglementations d'ordre déontologique ou corporatif. Par exemple, si vous voulez avoir une agence de voyage, il faut une licence. Et la licence, vous l'obtenez auprès de votre père. Et pour ça, il faut avoir déjà une surface de 20 mètres carrés de vente. Ce qui est complètement idiot aujourd'hui, parce qu'on peut vendre du voyage sans avoir de magasin. Mais ça, c'est réglementation corporatiste. Il y en a autant chez les photographes, chez les agences immobilières, les pharmaciens, évidemment. Vous avez un hôpital qui s'implante à 200 mètres de chez vous. Vous voulez déplacer votre pharmacie et la mettre en face, ce qui paraît logique. Ah non, ça vous ne pouvez pas. Ah non, vous ne pouvez pas parce que ce serait bénéficier d'un avantage par rapport à vos confrères. Donc ils ne vont pas accepter. On appelle ça encore confrère. Moi, je préfère dire concurrent. Mais il semble bien que dans le mot confrère, il y a le mot frère. Et qu'ils aiment ça. Je ne suis pas sûr que c'est pour ça que les autres vous aiment. C'est peut-être plutôt pour l'autre nom qui est pas. Donc il y a des tas de réglementations dans nos pays qui font que ben, on ne fait pas ce qu'on veut. Et que donc votre puissance de négociation ne va peut-être pas être la meilleure. Et bien sûr, il y a l'intensité concurrentielle. Fait que ben, par rapport aux autres, on n'est souvent pas le plus fort. Et ça sert à rien, par exemple, si votre concurrent c'est le plus gros du marché, ne baissez pas vos prix, hein, parce qu'il va pouvoir le faire plus longtemps que vous. Hein. Vous mettez vos bananes à 1,19 le kilo, il les met à 1,09 le kilo. Alors vous les mettez à 99 cents le kilo, et lui, il les met à 89 cents le kilo. Et si vous les mettez, vous, à 89 cents, vous faites des pertes chaque fois que vous vendez des bananes. Donc, vous arrêtez, et c'est lui qui rappelle le marché. Et alors, il augmente les bananes. Donc, l'intensité concurrentielle est aussi une position de négociation pas simple. Et puis, on mêle les deux, hein. je vous laisserai lire ça. Je le mettrai sur l'université virtuelle ce soir. Okay. Je vous laisserai lire ça. C'est tous les trucs auxquels vous devez penser entre Pestel et Porter pour savoir si le business que vous voulez faire va tenir la route ou pas. Pour savoir si votre position en tant que chercheur d'emploi va marcher ou pas. Ok ? Est-ce qu'il y a concentration des fournisseurs ? S'il y a concentration des fournisseurs, leur pouvoir devient plus grand. Par exemple, voilà un domaine dans lequel il y a forte concentration des fournisseurs, les produits de grande consommation alimentaire. Prenons l'exemple du bon chocolat belge. Vous voyez celui avec un éléphant ? Oui. Eh bien, il se fait que dans les années 70, il a été racheté par le mauvais chocolat suisse. Vous savez, le mauve. Et puis, le mauvais chocolat suisse, qui était encore une entreprise relativement petite, a été racheté par l'épouvantable fromage américain. Vous voyez ? Avec un K pour commencer. Kraft, pour ne pas le nommer. Et puis Kraft, qui était quand même encore une entreprise relativement petite au niveau mondial, a été racheté par quelqu'un qui avait beaucoup de pognon à placer, le cigarettier Philip Morris, qui lui-même a été racheté par un hedge fund. Vous savez, un bidule qui a 3 employés, qui investit dans des actions qui valent la peine. Et donc, in fine, il y a une énorme concentration au niveau des producteurs. Avec 10 noms, vous avez fait le tour de tout votre caddie de la semaine. Si vous parlez de Philip Morris, évidemment, si vous parlez de Procter & Gamble, Unilever, Kellogg's, Nestlé, Danone, ben vous avez déjà les 3/4 de votre cabinet. Énorme concentration des fournisseurs. Donc quand Deleuze s'adresse à Procter & Gamble en disant « Il faut que tu me fasses le monsieur propre moins cher », Procter & Gamble lui dit quoi ? Va te faire, il y a des autres, mais va te faire voir. Effectivement, c'est The Clash of the Titans, hein, le combat des titans. Sauf que Deleuze, maintenant, s'est allié avec Harold. Et quand il va trouver Procter & Gamble en Belgique, il lui dit, hey, derrière nous, il y a maintenant le double. Donc, qu'est-ce que tu fais là-dessus ? Voilà toute l'idée de pouvoir de négociation. Où est-ce qu'on en est ? Ben, on en est à avoir fait notre analyse interne, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, à avoir fait l'analyse de la concurrence, qui sont-ils et comment jouent-ils, à avoir analysé notre marché. Ah ben, on ne sait peut-être pas encore tout sur le marché, on n'a pas encore beaucoup parlé du consommateur. Et on a fait une analyse de notre environnement, quels sont les facteurs. Quand je dis environnement, ce n'est pas au sens écologique du terme ici, c'est ce qui nous entoure, les facteurs d'influence positive et menace. Positifs et négatifs qui peuvent constituer des opportunités et des menaces. On a fait ça au travers de notre analyse SWOT de tout à l'heure et notre analyse PESTEL de tout à l'heure. Compte tenu de ça, maintenant, on peut se fixer des objectifs marketing. Eh bien, mon objectif marketing, moi qui suis chercheur d'emploi, c'est de trouver un emploi avec un contrat à durée indéterminée dans une entreprise qui fait tel type de métier en ayant les 3 mois. Ça, c'est un objectif marketing. Mon objectif, ça va être de doubler ma part de marché en Belgique dans les 5 ans. Ça, c'est un objectif marketing. Mon objectif marketing, ça va être d'être devenu le numéro 1 en notoriété spontanée dans 5 ans sur ce marché-là. Mon objectif marketing, ça va être de dépasser Deleuze en part de marché alimentaire dans 2 ans. mon objectif va être, etc., etc., etc. Ça, c'est des objectifs marketing qu'on peut fixer maintenant qu'on connaît bien le marché. Alors, est-ce qu'on connaît bien le marché? Il y a peut-être quand même encore quelque chose sur lequel on devrait se pencher parce qu'on ne le connaît pas encore bien, c'est le client. Alors, déjà, il y a deux types de clients. Il y a le client B2B, c'est-à-dire une entreprise qui est cliente d'une autre entreprise, et il y a le client B2C, business to consumer, qui est le consommateur final. Alors, il y a quelques particularités en B2B. En B2B, on va devoir aussi faire l'analyse d'environnement. Juste ? Bah oui, on doit aussi voir quelles sont les influences positives ou négatives du marché. Bah oui. Donc on doit aussi faire en B2B une analyse SWOT. Bah oui. On doit aussi faire une étude des volumes qui sont présents, même si on vend des chaudières de récupération de chaleur pour centrales de production d'énergie électrique. Même si on est dans un business industriel pointu, ben on doit se faire à l'idée que des chaudières de récupération de chaleur pour centrales de production électrique, on peut en vendre peut-être 5, 6, 7 par an dans le monde. Les volumes là sont vachement limités. Évidemment, c'est des montants colossaux. Mais 6-7 par an, c'est peut-être ce que vous pouvez espérer. Que dans le marché du B2B, il y a aussi de la segmentation. Par exemple, vous n'allez pas vendre beaucoup de chaudières de récupération de chaleur pour centrales de production électrique en Belgique. Parce qu'on est déjà tout à fait équipé. Tout ce qu'on peut espérer, c'est de remplacer une ancienne. Marché de remplacement. Mais le marché du neuf dans la production d'énergie, où est-ce qu'il se trouve? En Italie? En France? Ou en Chine? En Indonésie? Au Vietnam? En Malaisie? En Argentine? Au Chili, c'est dans les pays émergents, hein. Au Brésil, c'est là que le pays se développant, on a de plus en plus besoin d'énergie électrique et on n'a pas les moyens de la produire. Donc c'est là qu'on va installer des centrales électriques dans les années futures, pas tellement dans nos contrées. Donc en fait, on doit segmenter le marché, il y a le marché équipé et il y a le marché émergent. Et c'est là que se trouvent les segments les plus intéressants, évidemment. Est-ce qu'il y a des concurrents? Tu parles qu'il y en a. Et parler n'importe quoi, hein, des gens comme Westinghouse, ça vous dit quelque chose? ASEA Brown Bowery? C'est des costauds, c'est des monstres. General Electric? C'est des monstres. Donc, on se bat. Ah oui, la société dont je vous parle s'appelle Cochrane Mechanical Industry à Liège, à Schrein, pour être précis. Donc, les concurrents, oui, et ils sont beaucoup, beaucoup plus gros que nous. Donc, si on veut servir les clients, il faut aller voir quelles sont les attentes du client. Mais ça, c'est pas suffisant. En business to business, il faut aller plus loin. Il faut aller voir les attentes du client. Alors, je vais vous expliquer ça par un exemple. Est-ce que vous connaissez une société qui s'appelle Dupont de Nemours? Non? C'est comme son nom ne l'indique pas, une société américaine qui fabrique quoi? Vous avez une idée? Une vague idée? Ils ont fait beaucoup de business au 19e siècle parce que c'était le plus gros producteur de nitroglycérine. La nitroglycérine est, comme vous le savez, un explosif très instable, mais qui a contribué à la ruée vers l'or, parce que c'est avec ça qu'on creusait les montagnes pour aller chercher du minerai. D'accord ? Donc, ils ont fait fortune comme ça. Puis c'est devenu une industrie chimique au sens large. Et là, vous allez peut-être connaître l'entreprise d'un peu plus près. C'est eux qui ont inventé un produit que vous utilisez tous, ou que vous avez tous utilisé, qui s'appelle le nylon. Le nylon, ça vous dit peut-être quelque chose, non? Ok. Ils ont aussi inventé le teflon. Ça vous dit peut-être quelque chose? Si vous avez une poêle pour cuire vos œufs sur le plat le matin, elle est probablement recouverte de la substance qu'on appelle le teflon, qui a été inventée par eux. Mais ils ont inventé une autre substance. Un jour, il y a un ingénieur qui s'est amené chez le patron et qui a dit « Chef, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Hein? C'est une molécule complexe et multiple, organique, qui fait une chaîne, hein, comme tous les plastiques. Mais il dit, j'ai remarqué deux propriétés étonnantes. La première, c'est que si on tire dessus, elle revient à sa place comme un ressort. Donc elle a une propriété élastique intéressante. Et puis en plus, quand on projette de la lumière dessus, elle réfléchit la lumière. Voilà, dit l'ingénieur, faites votre vie avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une fibre qui a des propriétés élastiques et qui réfléchit la lumière, à votre avis? Des gilets pare-balles. Des gilets pare-balles qui réfléchissent la lumière. Quand on les voit mieux dans la nuit, on peut tirer plus précisément. Les propriétés élastiques peuvent peut-être avoir de l'intérêt. Le fait de réfléchir la lumière, beaucoup moins. Quoi d'autre? Ça, c'est le Kevlar. Hein. Il ne réfléchit pas la nuit. Des vestes oranges pour la nuit. Des vestes oranges pour la nuit. Ah ouais, ça pourrait faire. Mais le fait que ce soit élastique, là, ça ne sert pas à grand chose. Alors, effectivement, le vendeur chez Dupont de Nemours est allé trouver son premier client qui fabrique du fil. Hein, du fil. Il a dit, voilà, on a trouvé une matière première, c'est sous forme de pastille, hein, c'est du plastique, quoi. Mais ça, c'est élastique et ça réfléchit la lumière. Alors son client lui dit, ah non, écoute, viens pas me faire chier avec ça. Un truc élastique, moi, quand je fabrique du fil, ça va foutre en l'air les réglages de mes machines. Non, ça va pas le faire, j'ai pas besoin de... Bon, l'histoire se serait arrêtée là si on avait juste été voir le client. Et en fait, ils ont été plus malins que ça, ils ont été voir le client du client. Le tréfileur fabrique du fil. Mais à qui le vend-il? Au fabricant de textiles. D'accord? Et alors, on arrive chez un fabricant de vêtements, par exemple, un fabricant de maillots, de maillots de bain. Et alors, le fabricant de maillots de bain dit, attends, un truc qui est élastique et qui brille quand on met de la lumière dessus. Mais ça, c'est génial, dit. Moi, je vais pouvoir faire des maillots avec ça où madame n'aura plus besoin de se préoccuper si elle rentre encore dedans cette année puisqu'il est élastique. Et en plus, quand il y aura le soleil dessus, elle va glitterer dans la lumière de la plage. Ça va être formidable. Il me le faut, mon truc. Alors, pour être bien sûr, on va trouver le client du client, on va trouver celui qui vend des maillots. Et c'est qui ça? Pardon? Un magasin de sport ou Decathlon ou l'innovation, hein? Qui dit des maillots qui sont élastiques et qui sont lumineux. Ben ouais, c'est super, mais dit. J'ai encore une autre idée. On ne pourrait pas faire des bas avec ça. Tu sais, des bas qu'on enfile. Alors qu'ils sont élastiques, ça c'est génial. Et alors ils réfléchissent la lumière, dit le soir, dit elles vont être superbes avec ça, non? Et on a inventé Diams. Le Dim. Et donc en fait, en allant voir le client du client du client, on se rend compte qu'il y a super. Un vrai marché pour une fibre élastique qui réfléchit la lumière. Et donc, à ce moment-là, on dit au client, Il faut que tu l'achètes, c'est règle tes machines, et tu vas voir le marché qu'il y a derrière, quoi. Vous comprenez l'idée? Allez voir le client du client du client. En fait, en B2B, on doit se préoccuper de la filière de la demande. La filière de la demande. Et donc, si on fait une analyse PESTEL et une analyse SWOT, c'est dans la perspective de la filière de la demande. Les facteurs d'influence positive vont peut-être se trouver deux crans plus loin. Vous comprenez? Alors, évidemment, quand on est en B2B, là aussi, on doit faire une étude de marché. Alors, il y a une d'entre vous qui est venue me trouver tout à l'heure en disant, tiens, est-ce que je peux faire mon mémoire, par exemple, sur un produit qui serait fabriqué en Belgique et qui utiliserait comme argument de vente qu'il est belge. Par exemple, du chocolat. Même si on sait maintenant entre nous qu'il est plus si belge que ça, le chocolat. Mais est-ce que ça peut être porteur pour une entreprise de dire qu'elle est belge en faisant du chocolat? Quelle est la notoriété? Quelle est l'image? Quel est le taux de satisfaction du client par rapport au chocolat belge? Ça, c'est pour le B2C. En B2B, pareil. Est-ce que l'acier belge peut avoir une image sur le marché telle que, ah ouais, il faut acheter de l'acier belge parce que c'est le meilleur du monde. C'est ce que Coquerie a cru pendant longtemps. C'est comme ça qu'il s'est fait bouffer. Donc, quelle est notre notoriété, quelle est notre image et quel est le taux de satisfaction? Je vends des meubles de bureau. Je fabrique en Belgique, à Sclessin, pour être précis. Et je peux vendre en France des meubles à des entreprises qui ont besoin de bureaux. Quelle est l'image du bureau belge en France? À votre avis. Alors les Belges font de la qualité. C'est de la double tôle, par exemple. La double tôle pliée. De 5 mm. Ça, c'est du costaud. Peint à la machine et par électro-peinture. Donc, ça tient. C'est du costaud. C'est comme des produits avec les mêmes normes de qualité que les produits allemands. Et tout le monde sait que les produits industriels allemands, c'est colossalement costaud, avec un cas. Quand vous amenez en France avec ce produit-là, on dit il ressemble à des chars d'assaut au bureau. Véridique, hein. C'est positif ou négatif comme image? Ouais, c'est sûrement très costaud, mais qu'est-ce que c'est moche! Qu'est-ce que c'est lourd! Et puis, qu'est-ce que c'est cher, donc? Vous n'avez pas la même chose en deux fois moins cher? On se fout que ça tienne 50 ans ou 70 ans. Nous, du moment que ça a son poids de look pendant 5 ans, c'est bon, quoi. Et donc, avec du meuble belge en France, on a beaucoup de mal à pénétrer. On a un produit de super qualité, mais on est positionné trop cher à cause de ça. Et on a l'impression d'être un tank. Ben, il y a intérêt à le savoir avant d'essayer de pénétrer la France. Et les comportements d'achat? Ben, on va beaucoup travailler sur le comportement d'achat du consommateur, mais les entreprises ont aussi des comportements d'achat. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour une entreprise, le comportement d'achat, par exemple? Par exemple, est-ce qu'ils achètent du moins cher ou du solide. Ça, c'est déjà une chose. Ça, c'est dans la politique. Est-ce que s'ils veulent acheter du moins cher, ils procèdent par appel d'offres? Vous voyez ce que c'est qu'un appel d'offres? Non? Je vous explique. Ne me dites jamais oui quand c'est non. Hein. Sinon, vous passez à côté de choses importantes par rapport au marché que vous allez devoir affronter. Un appel d'offres, c'est, ben, par exemple, la ville d'Anvers veut construire un énorme pont qui permettra de faire le tour d'Anvers avec moins d'embouteillage. La ville d'Anvers va donc faire appel à une entreprise de construction. D'accord ? Laquelle ? Ah ben, jusqu'à présent, on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, les employés de la ville d'Anvers vont devoir faire ce qu'on appelle un cahier des charges. Voilà à quelles conditions doit répondre le produit. Il faut qu'il soit, il ait telle largeur, il faut qu'il soit à telle hauteur, il faut qu'il soit dans un matériau qui ne provoque pas de vibration, ni de bruit. Il faut qu'il soit, il ait des charges d'entretien qui soient les moindres possibles. Il faut qu'il ait telle longueur, il faut qu'il passe par là et là, parce que c'est là qu'on a exproprié pour avoir la place. Et il faut qu'il y ait une garantie de 20 ans. Qui veut faire offre ? Et on lance un appel d'offres à déjà des gens qu'on a repérés. Ben, on sait que Wegebo fait ça. On sait que B6 est capable de faire ça. On sait que Trucluche est capable de faire ça. Et on sait que Schmurtz est capable de faire ça. Donc, on envoie un appel d'offres à ces quatre entreprises-là. Et celle qui répondra le mieux à notre appel d'offres sera choisie pour le marché. Le mieux, ça veut dire on va attribuer 40% de notre jugement au fait que vous répondez aux critères mentionnés dans l'appel d'offres. On va mettre 20% de notre évaluation sur le fait que vous êtes capable de le produire en moins de 2 ans, ou plus rapidement encore. Et on va attribuer, c'est 40 plus 20, ça fait déjà 60, on va attribuer 40% au prix que vous nous demandez pour le faire. Dans un marché public, un appel d'offres public, en principe, c'est toujours le prix qui est l'argument définitif. C'est la raison pour laquelle Buzz Aldrin, vous connaissez ce mec, Buzz Aldrin? Il y a plus que 3, hein, mais dans la première équipe, ils n'étaient pas 3, il n'y en avait que 2 qui sont allés sur la Lune. C'était le deuxième homme sur la Lune, qui a dit un jour, j'ai réfléchi après, je me suis dit que j'étais complètement fou d'être monté, mettre mon derrière pour aller sur la Lune, dans une fusée dont les 6,587,272 pièces avaient toutes été achetées au prix le plus bas. Effectivement, moi, je n'aurais peut-être pas fait. Donc, dans les marchés publics, c'est obligatoirement le prix le plus bas qui va compter. Dans un marché d'entreprise, peut-être pas. Okay, c'est peut-être la rapidité d'exécution. Donc, quels sont les comportements d'achat ? Est-ce qu'ils font des appels d'offres ou pas ? S'ils en font, ils doivent avoir combien d'offres avant de pouvoir dire « je prends celle-là » ? Parfois, on les oblige à en avoir au moins 3 dans les cartons. S'ils en ont pas 3, ils ne peuvent pas choisir. Dans les entreprises américaines, c'est très payant. Si vous n'avez pas 3 offres compétitives, vous ne pouvez pas choisir. Vous êtes obligé d'en avoir au moins 3. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les manigances, aux enveloppes, aux bakchiches, etc. Ok ? Donc, quels sont les comportements d'achat ? Est-ce qui décide dans l'entreprise ? Alors, je vais vous donner à nouveau un exemple. Ça vous fait pas trop chier que je vous donne des exemples tout le temps ? Il y a un truc qu'on appelle le grid. Groupe réel d'influence et de décision. Alors, je vous donne un exemple. Vous connaissez une société qui s'appelle Baxter ? Ils font quoi ? Ils font des Baxter. Baxter Travelol est une entreprise américaine qui fabrique des Baxter, c'est-à-dire des poches en polyéthylène destinées à faire de la transfusion ou de la perfusion. Okay? Donc à collecter du sang ou à en injecter du sang ou d'autres choses, du sérum physiologique, etc. Vous êtes blessé, on vous injecte de l'eau avec du sel et du sucre de façon à réguler votre production sanguine. Okay? Donc c'est un outil utilisé partout dans le monde à un point tel que le mot Baxter c'est devenu comme Bic. C'est un nom commun. Même quand la marque n'est pas Baxter, on dit je te place un Baxter. Ah ben, vous êtes dans un marché comme ça et vous vous appelez Arco Pharma. Et vous produisez des pochettes de polyéthylène pour perfusion et autres. C'est déjà pas gagné, hein, puisque le nom commun, c'est devenu Baxter. Votre puissance de négociation sur le marché, elle n'est pas énorme. Vous êtes une petite entreprise. Ça va être très, très difficile de battre Baxter sur ce marché-là, qui est déjà implanté partout. Sauf que vous avez trouvé le talon d'Achille de Baxter en analysant bien le comportement d'utilisation du produit. Ce produit est utilisé, par exemple, dans les salles d'op. Hein, dans une salle d'opération qui est tout à fait aseptisée, à un moment donné, on dit « il lui faut du sang ». Alors on ouvre une pochette de sang, un Baxter, et on implante une aiguille dans le bras du patient pour l'alimenter avec les fluides nécessaires, le sérum nécessaire. Okay? Mais cette opération-là, avec un Baxter, il faut prendre la pochette d'un côté, qui est dans un emballage aseptisé. Il faut prendre d'un autre côté un cathéter, c'est-à-dire un petit tuyau en plastique, qui est dans un autre emballage aseptisé. Et il faut prendre une aiguille qui est dans un troisième emballage aseptisé. Introduire l'aiguille dans le tuyau et le tuyau dans le Baxter. À tous les coups, l'infirmière se fait engueuler en disant « Où est le Baxter ?» dit le chirurgien. Alors, Arco Pharma, ils ont dit « On va inventer un Baxter où les trois sont déjà implantés l'un dans l'autre et qui se trouvent dans un seul emballage aseptisé. » Donc, j'ouvre un emballage et le truc est prêt. Alors, ils ont ce bon produit et ils vont trouver des hôpitaux pour arriver à vendre ça dans les hôpitaux. D'accord ? Qui est responsable des achats dans un hôpital ? La personne qui fait le plus grand volume d'achats dans un hôpital, c'est le pharmacien de l'hôpital. Tous les jours, il achète des pilules, quoi, en très grosse quantité. Donc, c'est lui l'acheteur généralement principal. Il y a parfois un économe aussi, ne plus que pour acheter des produits de nettoyage, des produits pour le catering, la saucisse, le chou-fleur, etc. Donc, c'est souvent un économe ou le pharmacien. Pour tous les produits santé, ce sera le pharmacien. Alors, si on s'adresse au pharmacien, à votre avis, qu'est-ce qu'il va dire ? Voilà, j'ai un produit, c'est comme un Baxter, mais c'est mieux. Qu'est-ce qu'il va dire ? Combien as-tu fait ? En gros, hein ? Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire baisser le prix. T'es plus cher que Baxter. Désolé. Et puis je travaille déjà avec Baxter depuis 25 ans. Il n'y a pas de raison que je change. Ah, c'est mal barré. Alors, qui décide en fait de l'achat pour finir dans un hôpital ? Le directeur général, peut-être. Le directeur général, lui, il est sous pression parce qu'il faut diminuer les coûts, il faut augmenter la rotation des lits, sinon l'État va de nouveau nous couper nos subsides, etc. Directeur général, dans le temps, c'était souvent un médecin. Aujourd'hui, c'est de plus en plus souvent un type qui a fait des études de management en des institutions de soins de santé à Solvay, par exemple, et qui a un diplôme d'ingénieur commercial. De plus en plus. Directeur général. C'est lui qui décide ? Peut-être il va signer, mais c'est tout. Mais c'est pas lui qui va choisir le produit. Il ne connaît rien, il ne sait pas si Baxter est mieux qu'Arco Pharma ou pas. Ça pourrait être qui ? Le directeur médical. Ah, ça, c'est une personne très importante dans les hôpitaux, le directeur médical. C'est lui qui donne les grandes orientations sur tout ce qui se fait sur le plan médical dans l'institution, y compris la gestion de tous les problèmes déontologiques, pour fécondation in vitro et tous ces machins-là. C'est dans le comité médical que ça se décide, si oui ou non on le fait, si on opère telle personne qui a un risque cardiovasculaire, mais il a 92 ans. On y va ou on n'y va pas. On ne peut pas y aller parce que de toute façon, si c'est vous prolonger de 3 ans, ça ne fait pas la différence, etc., etc. Donc, directeur médical, personne très importante. À votre avis, c'est lui qui va décider. En fait, il faut aller les voir tous. Mais celui qui va avoir le plus grande influence, c'est l'infirmière chef du bloc opératoire. Parce qu'elle en a ras-le-bol de se faire engueuler par les chirurgiens qui lui disent « Et ce bactère, il vient ou pas ?» Parce que chaque fois, il faut entuber le tube dans le truc et du tuyau dans le bazar et que ça lui prend 2 minutes, alors qu'avec un truc où on fait « chrrr » et on a tout sous la main, ce serait beaucoup plus facile. Et c'est elle qui va, in fine, pousser la décision. Donc c'est en fait quoi ? C'est une personne dont la responsabilité dans l'organigramme est très très basse, important quand même, hein, mais qui est un facteur d'influence décisif dans la décision. Si vous voulez vendre des meubles aux hôtels Martins, vous voyez les hôtels Martins, l'hôtel de Julac à Général, l'hôtel du Lyon à Waterloo, etc. Donc 15 hôtels en Belgique. Si vous voulez vendre des meubles ou des couverts ou des assiettes, l'hôtel Martin, il y a une personne que vous devez absolument voir, et vous savez quoi, elle n'est même pas dans l'organigramme. On ne sait pas qu'elle existe. Elle n'est pas officielle. Mais vous ne passerez pas si vous ne l'avez pas rencontrée. Vous ne passerez pas si elle n'a pas donné son accord sur le produit en question. C'est qui? C'est Madame Martin, la femme du patron, la femme de John. Elle a le droit de regarder sur tous les achats de tout ce qui est meubles, couverts, etc. Si ça passe pas, parce qu'elle trouve ça moche, vous ne vendrez pas. Mais elle n'est pas dans l'organigramme et elle n'a aucune fonction dans l'entreprise. Il y a quand même intérêt à le savoir. Hein. Donc on doit en savoir autant sur le comportement d'achat d'une entreprise que le fait que le gosse il dit « Ah non, je ne veux pas du Schmurtstella, je veux du Nutella. » Parce qu'il y a des phénomènes comme ça dans les entreprises aussi. Il y a même pire parfois. Hein. Non, non, je ne veux pas avoir affaire à ce fournisseur-là, parce que c'est un fournisseur francophone. Voilà, et nous, on est en France. Ou l'inverse. Ça existe aussi. Ou non, je ne veux pas tel fournisseur, parce que c'est un ancien de telle université. Moi, je suis plutôt favorable à ceux de l'autre université. Ça existe aussi. Il y a intérêt à savoir tout ça. Comment est-ce qu'on sait tout ça ? De nouveau, de la veille concurrentielle, en regardant sur Internet, on peut apprendre plein de choses, en lançant un étudiant au feu, qui fait une étude de marché, et puis rapporte des renseignements. Il y a plein de moyens, les uns légaux, les autres moins, les autres pas clairs du tout, mais il y a quand même souvent, c'est une première expérience. On a essayé de pénétrer le marché luxembourgeois et ça n'a pas du tout marché. Et on s'est rendu compte, la raison pour laquelle on n'a pas réussi à pénétrer le marché du Luxembourg, c'est que personne chez nous ne parle Letzerburgisch. Donc il faut un Letzerburgisch comme vendeur ou comme agent commercial, sinon on n'y arrivera pas. Typique du Luxembourg. Business to business. Donc on vend d'entreprise à entreprise. Maintenant, souvent, à la fin de la filière, il y a le client consommateur aussi. Hein. Pour le maillot en lycra, c'est pas une entreprise qui le met. Hein. Alors, quelques spécificités du marketing en B2B. Ben d'abord, il y a beaucoup moins de clients. Au lieu d'avoir 11 millions de clients, vous avez peut-être potentiellement 10 000 entreprises. Ou 100 par entreprise. Qui chacune auront des besoins et des attentes assez différents. L'un va vouloir diminuer ses coûts, par exemple. L'autre va vouloir pouvoir produire plus vite. Avec la même machine, vous pouvez répondre aux deux besoins peut-être, mais votre argumentation chez l'un va être rapidité de production, chez l'autre va être diminution du coût de production. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser un slogan qui est valable pour tout le monde. Souvent, le marché sera international. On peut difficilement vivre sur 5 clients nationaux. Par exemple, la FN à Herstal, fabrique nationale d'armes, ne peut pas se baser uniquement sur les armes qu'on peut vendre aux policiers et aux militaires belges. Elle existait déjà depuis très longtemps. Si elle n'avait pas été voir ailleurs, si elle ne pouvait pas vendre ses flingues. Donc, on est souvent à l'international. C'est une chose que les entreprises, les PME belges, ne comprennent pas facilement. Ça. Les Hollandais sont beaucoup plus rapides sur la balle. De Vliegen de Hollande, c'est vraiment le cas. Hein. C'est la raison pour laquelle, avant que AB InBev ne soit le producteur de bière le plus gros au niveau du monde, hein, les Belges, AB InBev, comme vous le savez, en partie en tout cas, aujourd'hui, une bière sur trois que vous buvez dans le monde est une bière AB InBev. C'est quand même pas mal. Mais avant ça, jusque dans les années 90, 2000 même, celui qu'on trouvait partout dans le monde, c'était Heineken. Tout le monde sait que c'est de la pisse d'âne, cette bière. Mais c'était quand même ceux qui exportaient le plus. Donc, l'international, c'est une perspective importante à ne pas négliger. Trop d'entreprises belges y accordent peu d'importance. La filière de la demande, je viens de vous expliquer ce que c'était, avec le cas Lycra. Le grid du client, il faut se rendre compte qu'en B2B, il y a plusieurs personnes à convaincre. Le décideur, l'acheteur, l'utilisateur et tous ceux qui ont de l'influence. Les influenceurs, ça peut être le directeur financier, ça peut être un des membres du conseil d'administration, ça peut être l'infirmière chef, ça peut être Madame Martin. Ils peuvent se trouver un peu partout, les influenceurs. Souvent, en B2B, il y aura un rôle actif du client. Pour pouvoir faire un pont au-dessus de l'Escaut et du port d'Anvers, il faut que le client, Anvers, ait bien exprimé son besoin, clairement. Donc il y a un rôle actif. Il doit avoir déjà fait toute une partie du travail. Le le cycle de vie et de vente va être plus long. Vous vous rendez compte que si on est B6 pour vendre un pont autour d'Anvers, la négo va durer 2, 3, 4 ans. 5 ans, le temps que le conseil communal d'Anvers se soit mis d'accord. Et puis quand il s'est mis d'accord, un an plus tard, il revient sur les trucs en disant non, tout comme fait, on a changé d'avis. Donc les cycles de vente sont très longs. Moi, par exemple, en consultance et en formation, j'ai eu des programmes avec des villes, des communes ou l'Union européenne où on a négocié pendant un an et demi, deux ans. Et le cycle de vie est plus long aussi. Un pont, c'est minimum pour 30 ans. Une centrale de production d'énergie, c'est minimum pour 50 ans. Plus si on prolonge la durée de vie dans ces centrales nucléaires. Et puis, je ne vais pas pouvoir communiquer urbi et orbi en disant je suis meilleur, je suis plus fort, je lave plus blanc. Ça ne va pas marcher vis-à-vis d'entreprises qui achètent des biens stratégiques qui vont entrer dans le schéma de production ou qui vont permettre de diminuer les coûts ou de faire mieux. Donc, ils sont beaucoup plus sensibles à des arguments rationnels qu'à des arguments émotionnels. Et les arguments rationnels de cette entreprise cliente-là vont être rapidité. Les arguments rationnels de l'autre entreprise, c'est coût. Les arguments rationnels de la troisième, c'est conformité aux normes DIN ou aux normes ISO. Et pour une autre, ce sera encore. Donc, les arguments de vente vont varier d'un client à un autre. Donc, on va faire de la communication beaucoup plus spécifique et pas généraliste. Ce n'est pas les masses médias qu'on utilise en B2B la plupart du temps. Retenez ça. Ce n'est pas les masses médias qu'on utilise en B2B. Alors, on va devoir faire des investigations. Une entreprise qui se respecte doit avoir, même un organisme qui se respecte, une institution qui se respecte, doit avoir un marketing information system. Certains parlent même de intelligence. Okay? Ça veut dire que vous devez avoir une systématique de prise de connaissance de ce qui se passe sur le marché. Qu'est-ce qu'on essaye de repérer ? Ben, des changements dans les motifs d'achat. Par exemple, Nutella, on l'achetait parce que les enfants adorent ça, parce que c'est sucré et ça goûte la noisette. Ça, c'était une motivation d'achat. Donc la maman est poussée par ses gosses qui disent « Je veux du Nutella ce matin, le matin ». Aujourd'hui, les motivations d'achat ont un peu changé. Les mamans se disent, du Nutella, c'est plein d'huile de palme. Hein. Et l'huile de palme, moi j'ai lu que c'était pas bon. Hein. En tout cas, c'est pas bon pour la forêt tropicale et c'est pas bon pour les orangs-outans. Donc, j'en ai marre d'acheter de l'huile de palme. Donc, j'aimerais bien avoir du Nutella sans huile de palme. D'ailleurs, j'ai vu à la télé que si on laissait le Nutella reposer à une température suffisante, au bout de deux jours, on voit carrément la couche d'huile de palme qui occupe à peu près 60% du volume du pot. Ça, c'est vraiment dégueulasse. J'ai pas envie de donner ça à mes enfants. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle motivation d'achat pour une mère de ses enfants. C'est de dire, je veux donner à mes enfants quelque chose qu'ils aiment, mais qui ne soit pas aussi dégueulasse que l'huile de palme. À ce moment-là, Deleuze entre en jeu et crée une pâte à tartiner sans huile de palme. Et voilà qu'elle rencontre tout à coup, sur le segment de marché amateur de ce genre de produit, un succès assez intéressant, parce que les motivations d'achat du même produit ont changé au fil des années. Deuxième chose qu'on essaiera de savoir dans les marketing information systems, dans les études de marché, c'est quelle est l'image des produits et des services et des fournisseurs. Ben, c'est en se basant sur l'image du Nutella que Deleuze a lancé son produit. Ils ont entendu qu'il y avait du bashing à propos de Nutella, hein, le Nutella bashing, ou le huile de palme bashing, et donc ils se sont dit qu'il y a un truc à faire. Oh, ceci dit, il aura passé par une autre huile. Hein. Tournesol. Mais il y a toujours autant de sucre. Hein. Alors, les attitudes, c'est justement acceptation des produits et des fournisseurs. Est-ce qu'ils sont plutôt, ils ont plutôt tendance à accepter des produits de tradition ou bien des produits novateurs? Est-ce que c'est parce qu'on est belge que ça passe? Peut-être bien, en France, le chocolat belge, ça veut dire quelque chose. Et celui qui utilise le plus ce langage-là, c'est Jef de Bruges, le bon chocolat belge. Et Jef de Bruges, c'est une boîte française qui n'a absolument rien à voir avec la Belgique. Et puis, les comportements d'achat tels qu'on vient de les déterminer. Qu'est-ce qu'on achète chez qui? Ben, par exemple, madame ou monsieur qui fait des achats pour, de produits alimentaires pour la maison, ce soir chaud, je te propose un petit repas italien. Si je faisais des ravioli al tartufo, des ravioli à la truffe, avec une bonne bouteille de Barolo et deux bougies sur la table, ça va le faire pour notre anniversaire de mariage. Et puis après, je te propose de la langouste. Waouh! Où est-ce que je vais acheter tout ça? Ben, chez quelqu'un qui a déjà, qui sait faire des ravioli al tartufo. Hein. Déjà, il n'y en aura pas des masses. Il y a cru, il y a peut-être robe, et peut-être l'un ou l'autre fournisseur sur un marché. Encore qu'à la truffe, ça m'étonnerait. Au sec, sûrement, mais à la truffe, ça m'étonnerait. Ou alors il y a l'ISPC, un marché pour les professionnels. Ou au marché des chefs. Là, vous pouvez peut-être. C'est destiné aux restaurateurs. Ah oui, là, je vais peut-être pouvoir le faire. Ou alors chez Métro. Là, il y en a peut-être aussi. Bon. Et pour les gosses, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, c'est vrai. Il y a le quête qui part en camp scout, on va aussi leur acheter des raviolis. Vous croyez qu'on va les acheter au même endroit, avec les mêmes critères? Les raviolis pour le camp scout, on va les acheter où? Chez Colruyt ou chez Macro, et on prend le produit blanc, hein, le moins cher. Hein. Ce sera bien pour eux, non? De toute façon, pour ce qu'ils en font, hein, si c'est pour le cacher partout dans la prairie. Donc, qu'est-ce qu'on achète à qui? Eh bien, on a des missions d'achat aussi différentes. Okay? Ce soir, je prépare un repas pour notre anniversaire de mariage. Demain, je fournis la bouffe pour le camp scout. C'est deux motivations complètement différentes. Deux missions d'achat complètement différentes. Et donc, en fonction de la mission d'achat, je vais acheter à l'un plutôt qu'à l'autre. Alors, quelques sources, il y a plein de sources internes hein, qui peuvent vous rapporter plein de renseignements sur la manière d'acheter. Alors, les premiers qui sont en contact avec le client, c'est les vendeurs, évidemment. Seulement, les vendeurs, vous savez quoi? Ça ment parfois. Parce que comme ils sont payés à la commission, on leur fixe des objectifs et ils disent « Ah oui, mais ton objectif est trop difficile à atteindre. Hein. » Parce qu'on n'est pas placé en prix, hein. Ça c'est la première phrase d'un vendeur. On n'est plus placé en prix, chef. C'est la bonne excuse pour laquelle il n'a pas su vendre. Donc les mauvais vendeurs commencent toujours par vous dire qu'on n'est plus placé en prix. Donc il ne faut parfois se méfier de ce qu'ils disent les vendeurs. Les livreurs ont plein d'informations. Oui. Ça veut dire qu'il y a un concurrent qui vend moins cher que nous sur le marché. Et donc, moi, j'arrive plus à vendre parce que systématiquement, l'autre passe après et il est 10% moins cher. j'arrive plus avant, je ne suis plus placé en prix. Ça veut dire que notre position de pricing est moins bonne que celle de la personne. Les livreurs ont plein d'infos. Le problème, c'est qu'ils ne vivent pas à la même époque et au même moment et au même endroit que les dirigeants. Bah oui, le livreur, il se lève à 2h du matin, il commence à travailler à 4h, et à midi, il finit la journée. Donc, on ne voit jamais le livreur. Pourtant, la dernière fois qu'il est allé livrer chez Schmurz, le réceptionniste lui a dit « Écoute, je ne sais pas où je vais mettre tes palettes, parce que ça fait 3 semaines que ton concurrent nous livre ici des palettes, je les ai déjà rangées partout, mais les tiennes, je ne sais pas où je vais les mettre. » Donc le livreur, il sait que votre concurrent est dans la place depuis 3 semaines, mais comme personne ne lui demande jamais son avis, personne au niveau commercial ne le sait. Ah, peut-être qu'en parlant un peu plus avec Flup, le livreur, on en saurait plus sur notre client de chez Smith. Les tableaux de bord nous indiquent que, s'ils sont bien faits, qu'il y a encore du potentiel inexploité chez tel client. Tel client, il a le même profil que tel autre, tel autre, tel autre. Et les 3 autres nous achètent toute notre gamme, la gamme A, la gamme B et la gamme C. Et chez ce client-là, qui ressemble furieusement aux 3 autres, on ne vend que la gamme A. Donc il y a du potentiel pour la gamme B et la gamme C. Ok ? Ça aussi, c'est des choses qu'on doit pouvoir trouver en interne. Et puis alors, on peut aller chercher des renseignements en externe. Il y a parfois des étudiants qui font des bons mémoires intéressants sur la possibilité de percer un marché. J'en ai eu un sur, justement, la Belgitude et le chocolat. J'en ai eu un sur les sacs à main de fabrication artisanale de Guillaume Brenet, peut-il pénétrer la France. Ouais, c'est sympa. Il y a parfois des écoles et des facultés qui ont, en parallèle des études académiques, un business consult department qui font de la consultance. Ce sont des étudiants qui ont décidé de jouer aux consultants avant d'être sortis de l'UNIF. C'est assez sympathique parce que ça coûte très bon marché. Et donc, c'est à la portée d'une PME. Alors, en Belgique, on pompe beaucoup d'impôts, mais on le redistribue aussi sous forme de subsides. Beaucoup. Et donc, si vous voulez attaquer un marché étranger, vous pouvez participer à des études de marché subsidiées par la région wallonne. Vous pouvez participer à des foires commerciales subsidiées par la région wallonne ou la Belgique ou l'État fédéral. Vous pouvez réétudier votre design d'emballage avec des subsides. Vous pouvez avoir accès à des consultants qui vont vous aider à construire votre pricing et votre stratégie internationale. Tout ça subsidié par les autorités. Donc, elles n'ont pas qu'un impact négatif, les autorités. La seule chose, c'est qu'il y a peu d'entreprises qui sont au courant des subsides disponibles et qui pourraient en bénéficier. Et puis, le parcours pour les obtenir est souvent... il faut 2 ans pour obtenir l'autorisation et le client, c'est demain que je peux le faire. Des gourous, parfois, qui connaissent un métier mieux que les autres et qui sont capables de nous introduire. Il y a des revues, il y a faire le parcours du client pour se rendre compte de ce qui se passe. Il y a du benchmark. Le benchmark, vous voyez de quoi il s'agit ? C'est encore un de ces mots franglais, mais il n'y a pas de traduction. Quelqu'un voit ? Benchmark, ça veut dire banc d'essai. Banc d'essai, ça veut dire je suis sûr. C'est typique des chimistes. Je teste des produits sur un banc d'essai. Par extension en marketing, un benchmark, c'est je trouve celui qui est le roi du monde dans cette matière-là. Je m'inspire de ce qu'il fait et je fais mieux en plus. Vous allez me dire, de l'espionnage industriel, quoi. Non, non, de la subtilisation créatrice. Ou alors, vous pouvez même aller chez quelqu'un qui n'est pas votre concurrent. Par exemple, si votre problème, c'est vous, vous opérez dans des magasins, mais il y a de la file d'attente et ça ennuie le client, vous allez vous demander, comment est-ce que je peux gérer mieux mes files d'attente? Où est-ce que vous allez aller voir tout ça? Vous avez une idée, quel est le champion du monde de la gestion des files d'attente? Pardon? Primark? Je crois pas. Je crois pas parce que ils s'en foutent que vous attendiez ou pas. Comme c'est tellement bon marché, vous êtes prêts à faire la file longtemps. McDonald's, ils sont déjà meilleurs, mais il y a encore mieux qu'eux. Proximus. Ils ont, Proximus s'est inspiré des méthodes du benchmark pour améliorer la file d'attente. Vous avez raison, ils ont beaucoup amélioré le, la file d'attente dans leur magasin. La Poste, je crains bien que non. Mais ils se sont beaucoup améliorés aussi, absolument. 95% des transactions à la Poste se font en, en moins de 5 minutes. Donc ne dites plus de mal de la Poste. Apple, c'est pas mal. Apple, c'est pas mal. Mais il y a encore mieux. Disneyland. Disneyland, Disneyland, c'est un parc d'attente. Ben oui, c'est un parc d'attente dans lequel il y a par-ci, par-là 7, 8, 10 attractions, okay? Et ces attractions durent en moyenne 1 minute, 1 minute 40, et vous faites en moyenne 40 minutes la file pour chaque attraction. Donc à la fin de la journée, vous avez fait la file 6 heures pour 6 ou 7 fois 1 minute 40 de plaisir, et quand vous sortez, vous êtes heureux. Ça, c'est génial. Même l'immobilier est prévu pour gérer l'attente. L'immobilier, c'est des grands immeubles qui couvrent quoi? Qui couvrent la file d'attente. Dans laquelle il y a deux, trois distractions qui vont faire que vous allez faire un petit tourniquet, vous allez monter, puis vous allez descendre, et l'attraction elle-même, elle prend 10% du, de l'immeuble. Donc même l'immeuble est un immeuble d'attente. Ils ont inventé toutes les techniques pour que vous ne vous rendiez même pas compte que vous attendez. Donc, si vous avez un jour un problème de gestion de file d'attente, le benchmark, c'est Disneyland. Vous voyez? J'ai eu un client qui est une ville. Et dans une ville, il y a un département qu'on appelle les travaux publics. Qu'est-ce qu'ils font? Ils réparent les trous dans les chaussées, ils nettoient les parcs, ils tondent les pelouses publiques, ils coupent les branches des arbres dans les avenues et les boulevards. Bref, c'est du travail manutentionnel de base. D'accord? Et dans cette ville, ils avaient un gros problème de qualité du travail. Les routes restaient en friche, les parcs restaient en friche. La propreté des rues n'était pas à la hauteur, donc ils avaient un problème. En tout cas, c'est ce que la population leur disait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont rendus compte que leur département de travaux publics n'était pas bien géré. Il faut avouer que dans les communes, c'est souvent le cas, dans les communes, on engage pour les travaux publics ben, des tas de personnes qui, sans ça, ne trouveraient jamais un job. Parce qu'ils ont deux mains comme ça, ou que leur niveau d'éducation est trop bas, ou qu'ils sont handicapés d'une manière ou d'une autre. On a beaucoup de laisser pour compte. Et c'est très bien comme ça, parce que la commune joue un rôle social pour caser des gens qui, sans ça, ne seraient jamais casés dans la, et n'intégreraient pas la société. Donc c'est très bien, mais c'est pas facile à gérer. Alors cette commune a décidé d'engager, pour mieux gérer ses travaux publics, un ingénieur qui sort de l'école militaire. On va serrer la vis à tous ces gens-là, vous allez voir ce que vous allez voir. Et donc, le gars a commencé à mettre des procédures en place. Ordre de travail, bon de travail, bon de travail entrée, bon de travail sortie, organigramme, diagramme de perte pour l'organisation des... Et les ouvriers n'ont rien compris. Il y en a d'ailleurs 4 ou 5 sur les 15 qui ne savaient ni lire ni écrire. Donc, bon de travail. Et c'est normal. Alors, il se dit, ça ne va pas du tout. L'organisation reste complètement foireuse. Il a eu l'intelligence de faire son auto-da-fé et de revenir sur ses principes. Et il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui les intéresse à organiser leur travail? Et il s'est rendu compte en regardant les vestiaires qu'il y avait deux choses qui les intéressaient. La première avec laquelle il ne savait pas faire grand-chose, c'est dans les vestiaires des ouvriers des travaux publics, c'est des posters de Nana. Bon. Et les deuxièmes choses qu'on voit dans les vestiaires et qu'on entend dans les conversations, c'est les bagnoles. Alors il s'est dit, sur les bagnoles, là on peut faire quelque chose. Et il a décidé d'emmener un jour, parce qu'il avait des relations, d'emmener un jour tous ses ouvriers visiter les stands des 24 heures de Francorchamps, côté stand. Et là, on voit les ouvriers qui, en 20 minutes, sont capables de désosser une voiture et de réparer le moteur et de le remonter sans qu'il y ait une tache de cambouis par terre. Et il leur a dit, regardez, inspirez-vous, et puis après, vous revenez, et on organise l'atelier comme ça. Et ça, ça peut marcher. Parce qu'on va chercher chez le meilleur, qui n'a rien à voir avec les travaux publics d'une commune, chez le meilleur dans ce domaine-là, toutes les bonnes recettes pour faire encore mieux chez vous. Ça, c'est un travail aussi de marketing qui peut être très intéressant. Et ça limitera ce dont on parlera cette semaine-ci. Je vous revois la semaine prochaine.